Alice et les 7 kebabs. Games of kebab, Games of Thrones. Harry Potter à la chambre des kebabs, n'importe quoi. Joséphine kebab gardien. Sur TF1, danser avec les kebabs. Ils sont cons. Qui veut épouser mon kebab? Bravo. La belle et le kebab. Baby, not a she-ho. Hey, merci beaucoup pour les messages là. Bravo. Ah là là, n'importe quoi. Captain Kebab. Non mais il y a Dirty Kebab. Il y a que des conneries qui arrivent. Ouais. Allez, merci beaucoup. Hein. Allez-y par SMS. C'est Guillaume et votre message aussi sans doute si vous avez des idées là. Ouais. Trop les boules. Demain je pars en Angleterre. Je pars 5 jours. Je pourrais vous écouter du coup chez l'école. Salut Jessica du 2-9. La merde. Sur internet au pire. Ah bah vas-y. Allez, profite bien en tout cas. Ouais. Sinon sur energie.fr quand vous êtes à l'étranger ça marche aussi. Hein. On est toujours là. Hein. Allez, on va se faire juste Pitbull. Gilo dans 10 secondes. We are one. On se le fera. Il y a Snoop Dogg, Whistle Whistle Whistle avec Jason Derulo. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Vous allez manger des grêlons et des éclairs sur Paris dans une heure, moi je vous le dis. Salut Flo du 37. Il pleut déjà. Salut les gars là. Ah ouais, bah sur une grosse partie de la France, ça y est, on va tomber là. C'est relou. Après, dans le sud, demain, c'est plus dans le sud, ça va tomber là. Trop les boules et RIP au pare-brise qui sont pas encore cassés, qui vont se casser dans la nuit. Bon courage, les voitures. Putain, ouais, on sait pas trop, mais bon courage. Hein. Bien content d'être avec vous, les gars. Gros orage dans le nord, ça peut être grave. Ah ouais, Peter de Tourcoing. Salut Peter. Oh là, fais attention. Bon, et bah, bon courage à vous, hein, du coup là. Hein. Trop les boules demain. Pareil, moi je pars en vacances pendant 5 jours avec la classe. Bon courage à tout le monde. Bah, bonne vacances. Ah, merci, hein, salut à Timothée de Toulon. Salut. Il a fait un master pour préparer Masterchef. Salut Arnaud. Il y en a qui dit les kebabs font du ski. La France a un incroyable kebab. Salut Logan. Salut. Ah, il est bien trouvé celui-là aussi. Bravo. Kebab 007, Star Wars, la menace kebab. Brookbab kebab. Brookbab kebab. Ah, c'est pas facile à dire là. Ouais, dur à dire. Qui va épouser Pacific Kebab, le Pacific Rim. 4 mariages pour un kebab de merde, salut les gars. À la mémoire de nos kebabs, salut Hugo 59. Salut, il faut Hugo. Sauver le soldat kebab. Ah ouais, pas mal. Le fabuleux destin d'Amélie Kebab. Et remplacer un mot de film par un kebab, ouais. C'est n'importe quoi. Attends, il y en a encore 2-3 là. Qui veut épouser? Bon, attends, Reine des kebabs, le Reine des neiges. Rocky 3 kebabs. Les 3 kebabs, les 3 frères. Ah oui, pas mal, avec les inconnus. Le bon, la brute et le kebab. Bon, merci hein, pour les messages là. Merci. Allez-y avec les émissions télé aussi hein, si vous avez une idée. Les séries, ouais. Ouais, avec les séries, ça marche aussi, hein, si vous avez des conneries, là. En primaire, j'ai tagué dans les WC de l'école. On va se raconter les conneries, hein. C'était pour ça que t'avais appelé au départ, hein. Ouais, c'est ça. Bertrand. Ils en ont oublié un pour les kebabs, hein. Ah, vas-y. Donc, tu connais les experts à Manhattan? Bah, il y a les experts du kebab à Marrakech. Ah, les experts, En plus, il y en avait un qui l'avait balancé. Ouais, bravo. Les kebabs de la télé-réalité, c'était les mecs. C'était quoi ça, les anges de la télé-réalité. Les quoi? Ah, les anges de la télé-réalité, bien sûr. Les enfants du kebab aussi, les enfants de la télé. Secret kebab. Secret kebab, ouais. Un kebab, une fille. La planète des kebabs, l'affrontement. Ouais, la planète des singes. Qui veut épouser mon kebab? Bah, c'est je le lire, salut, les gars. Salut, le seigneur des kebabs, salut Justine, salut. 71. Ah bienvenue chez les kebabs au lieu de bienvenue chez les ch'tis. Ah ouais. L'homme qui murmurait alors gloire des kebabs. Kebab. Ah, Secret Indiana Jones, c'est le kebab de cristal. Ils sont con, 4 mariages pour les kebabs. Merci beaucoup. Bisous. Moi en CE2, j'ai dit à ma prof d'art plastique qu'elle me chauffait. Salut les mecs. Ah, t'es kebab genre, des Caraïbes, bah, celui-là il m'a tué tout à l'heure. Alexia, 14 ans du 57. Salut tout le monde. Salut. Clash of Kebab aussi, le Clash of Clan. Strike My Kebab. Gangs of Kebab, ouais. Ah ouais. Les kebabs de Saint-Tropez aussi, les gendarmes de Saint-Tropez. Là. Avec Louis de Funès. N'importe quoi, mais il y a que des. Attends, alors, c'est qui le kebab? Salut les gars. Ouais, c'est qui le kebab? Salut. Salut tout le monde. Est-ce qu'on pourra s'écouter? Ouais, pas de problème, je l'ai vu, Sia. Il est là. Hein. Sia, on se le fait juste après. Sur Energy, tout le monde est là. On est numéro 1 le soir à partir de 23h. Soyez les bienvenus. Hein. Merci. On se retrouve ici sur Energy 23h, 2h pour bien rigoler. Ça fait du bien un peu en 2014. Si vous découvrez l'émission, faites-le tourner partout. Hein. Prévenez les potes, prévenez les collègues au boulot, etc. Ouais, tout le monde. On est de plus en plus nombreux là. Vous êtes déjà plus de 70% à être arrivés en un an. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Avec Sia, on se le fait dans 2 minutes. C'est Guillaume Radio 2.0, le nom de l'émission. Si vous découvrez là. Je me suis chauffé avec des potes, j'ai embrassé ma prof. Depuis, je sors avec elle, ça fait 3. Ah, genre. On va t'appeler là. Bon baiser de Kebab City. L'amour est dans le kebab. Ah oui, Maurice de Treguin. Salut Maurice de Treguin là. Bravo. Salut à toi là. Fast and Kebab. Le kebab est aveugle. Ah ouais. Relooking du kebab. Relooking du kebab. Ah ouais. Blanche-Neige et 7 kebabs. Ah bah merci l'amour beaucoup. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de messages. Ouais. E.T. téléphone kebab. Il y a la DSL déco du kebab aussi. Hein. Ils sont cons. La déco. La soupe au kebab. Ah, bien vu. La soupe au kebab ou la soupe au chou. Bien joué. Non, mais non, téléphone kebab, il est énorme. Ouais. Bravo. Attends, full metal kebab. Attends, bienvenue à Kebab Land aussi. Ouais. Là. le kebab du Botswanga aussi, du crocodile. Ah, on rajoute un mot de kebab dans les trucs. Là. Ah ouais, le diable s'habille en kebab. Bravo. Bien vu. Kebab d'Europe au lieu de monnaie d'Europe. Ah là là. Ah bah si, on a un top tweet déjà. Merci beaucoup tout le monde. Merci, merci beaucoup à tout le monde. Ça fait plaisir là. Les kebabs d'à côté. Père Noël est un kebab. Allez-y, mettez-moi. Rajoutez le mot. Hashtag rajoutez le mot kebab dans le titre d'un film et vous mettez une émission télé aussi. Allez-y. Oh, I meet your kebab. Comment j'ai rencontré tout ça? Ils sont cons. Plus belle le kebab. Plus belle le kebab aussi. Plus beau le kebab, ouais. Plus beau le kebab, du coup. Le kebab qui va être meilleur. Ah, merci beaucoup, putain. Merci. Non, mais il y a que des. Attends, ce soir, on part en kebab. C'était quoi ce soir? Les trois petits kebabs. Ah, c'est quoi? On part en vacances. Ah, ce soir, on part en vacances. Ah, bah oui, c'est notre émission de télé. Ouais. Il est pas conçu à la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon kebab? Salut, Diane. À clavier. Merci beaucoup, putain. Et plein de messages. La pimp my kebab. Les kebabs à Rio. Bravo. Question pour un kebab. Bienvenue chez Kebab. Salut à toi, G1. Le grand kebab. Touche pas mon kebab, Gaël Duvin. Ce que l'avait dit au début. Énergie Musique Kebab. Ah, ouais. Le grand kebab. Ouais, le grand journal. Le grand journal. Le seigneur des kebabs. Salut, le des kebabs. Faites entrer le kebab. Faites entrer le. Tellement kebab, on est tellement vrai. Ah, c'est drôle. Ils sont cons. Attends, la menace du kebab noir, ça arrive. Les kebabs. Kebab attaque. Kebab outé, kebab outé. J'étais à Vif Kebab. Merci pour les messages. Il n'y a pas d'émission télé. Attends, il y avait quoi les émissions télé là? Hunger Kebab. Ciel mon kebab. C'est vieux. Ah, c'est vieux, ouais, mais c'est drôle. Ouais. Merci beaucoup. Le kebab de la fortune, ouais, c'est drôle ça. La famille en kebab. Allez-y, hashtag rajoutez le mot kebab dans le titre d'un film et on le diffuse. Et sur Twitter, vous mettez un petit tweet, on va les lire là. Ouais. Kebab l'impératrice, le grand kebab. Bon. Salut les kebabs. N'oubliez pas vos kebabs. Merci beaucoup pour tous les messages là. Ça se kebab. On se retrouve sur Facebook de l'émission Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Si vous avez deux secondes, venez liker la page, tout le monde. On est 1 million 232 050 là. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Allez voir, je vous ai mis un avion qui a été défoncé par une pluie de grêlons, mais c'est impressionnant comment il s'est fait défoncer. C'est que ça fait peur. Tu vois des photos aussi de Bordeaux. On a fait des photos avec un drone au-dessus du bâtiment d'énergie. Ouais. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Allez voir, je vous mettrai ça tout à l'heure. Enquête d'action, enquête de kebab, le bon, la brute et kebab. Merci beaucoup. 20 kebabs d'écart, les 12 coups de kebab. faites attention au kebab, faites attention à la marche. Ouais. Ah ouais, merci beaucoup. Là, tout le monde veut prendre son kebab, tout le monde veut prendre sa place. Bon, bah, merci en tout cas pour le fou rire au début d'émission, c'est plaisir. Alors, Bertrand t'avait appelé, on va se faire pitbull hein, dans 10 secondes. Bah vas-y. Alors juste avant, on va parler de quoi avec toi après là? Alors moi c'est parce qu'en fait j'ai relevé un défi d'un pote et du coup j'ai donné la fessée à la prof. T'as donné la fessée à la prof. Voilà. La et fessée. Du coup je me suis fait verrer. Ah bah tu pensais qu'elle allait dire bravo quoi. Tu pensais qu'elle allait se pencher en avant, qu'elle allait dire vas-y mets-en une autre. Ah bah pourquoi pas, bien sûr, mais. Ah c'est un concept hein. Ouais, c'est quand même très rare. En école de commerce, les portes sont ouvertes hein. Ah bah. C'est surtout les soirées. Ouais. Bon, en école de commerce, mais enfin bon, si elle fait ça, elle est finie la prof. Bah oui. Ah bah le reste de l'année va ramasser quoi. Bah c'était un meuf après. Mais attends, elle a quel âge la prof, genre elle était plutôt âgée ou plutôt jeune? À peu près entre 35 et 40 quoi. Ah oui, donc elle est pas âgée, elle est jeune. C'est bien, c'est bien. Elle est jolie. Elle est jolie, elle est pas mal. C'est vrai en plus, ouais. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as mis une petite fessée? Elle a hurlé et puis après elle m'a dit d'aller chez le proviseur et du coup après j'ai pris une semaine et des heures de travaux d'intérêt général. Ah alors. Allez, ouais, allez, bon, en même temps, tu t'en doutais bien que t'allais prendre un. Tu l'as cherché, oui. Mais après, j'ai pris juste une semaine avant les examens quoi. Et résultat maintenant, là vous avez pris, donc là ça va mieux maintenant, t'as fait les TIG tout ça? Là, non, il me reste encore 2 jours et après, pendant le mois de juillet, pendant le mois de vacances, en fait, je serai encore dans le bahut en fait en train de bosser. Ah ouais, d'accord. Ah merde. Bon, bah très bien. C'est bon. Long ça. Ouais, c'est un peu relou de venir au mois d'août par contre. Ouais. Fait beau, il fait chaud. Mais après le mois d'août je l'aurai, mais bon, pas le mois de juillet quoi. Ouais, du coup, ouais. Putain, il y a des éclairs partout là, effectivement. Ah non, pas c'est violent. Nous on a le soleil encore. Toi, à Lyon, il fait beau. Il fait chaud. Ouais, on a encore 35 degrés là. Ah, mais ça va venir là. 35 Non. Ouais, c'est on pas bon quand tu fais trop chaud. On est pareil, ouais. Mais à Lyon, combien là? Mais attends, j'ai pas mon chargeur. Tu as ton chargeur, j'ai mis ça. Ah, il est en bas, Guillaume. Je n'ai plus de batterie du tout là. Il y en a qui dit salut Guillaume, 40 ans, toujours kebab. Et Rasta Kebab aussi, le Rasta Rocket. Merci beaucoup là. Man versus kebab au lieu de Man versus Man. Salut. Alibaba les 40 kebabs Val du 95. Ouais, j'ai déjà. Ah, il y a 23 degrés là à Paris. 23 là à Paris. Encore, là. En ce moment, c'est énorme. Il y a marqué orage. Attends, et sur les autres villes du coup, il y a par exemple, j'aime bien, t'as rentré quoi comme ville dans ton téléphone? J'ai Paris, j'ai Lyon. Mais à Lyon, il fait combien du coup? 28 degrés, ouais. Oh là là, c'est dingue. Ouais, bah, on a eu 37 cet après-midi. Non, non, mais attends, c'est horrible. Hein. Franchement, 28 degrés pour dormir, c'est horrible. Hein. Bah, même là. Hein. Ah, mais là, non, dans l'appart, là, il fait 25. À ah, bah, si vous n'arrivez pas à dormir à cause de la chaleur, bon courage. Ouais, hein, parce que, un ventilateur. Ah, bah, là, 28 degrés, moi, je dors pas. Hein. Ouais. C'est insolent. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marseille, 24 degrés. Ah, ouais. Et après, c'est tout. Et après, c'est tout. Il a que 3 villes. J'ai mis du sandarin. Lille des kebabs, salut les mecs. Salut. Autant on emporte le kebab, merci. Bon, là, ouais. On remplaçait le mot kebab. En tout cas, t'as fait un défi. La belle et le kebab. La belle et le kebab. En tout cas, avec Bertrand qui a fait un défi entre potes, c'était mettre une fessée à la prof. Pas mal. Est-ce que pareil, vous êtes déjà chauffé entre potes pour faire des conneries? Bah oui. Et vous êtes allé plus loin, vous êtes allé plus loin que vous sauriez aller si vous étiez tout seul. Voilà, par exemple, je sais, voilà, j'ai sauté d'un pont avec des potes dans l'eau parce que tout le monde sautait, etc. Mais moi, je me suis forcément pris le caillou au fond. Enfin, j'ai tapé, je me suis fait mal. Est-ce que pareil, vous avez déjà fait un truc à la con entre potes, vous êtes chauffé pour faire une connerie? Venez nous dire, SMS, vous commencez le message par Guillaume, un espace. Vous marquez ce qui vous arrive avec votre numéro de téléphone aussi, 612, et on se fait Pitbull, le hit de la Coupe du Monde, J-3, Gilo, We Are One sur Energy. Guillaume Radio 2.0, de 23h à 2h, il est 23h43. Soyez les bienvenus si vous découvrez l'émission, ça, c'est plaisir. One world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. Now who is your flag? Sur Energy avec Pitbull là, et d'ailleurs en parlant de la Coupe du Monde, ils viennent d'arriver les Français au Brésil. Ouais, ils sont au Brésil, mais pas encore à l'hôtel, Guillaume. Voilà, donc Gestagir, il essuie la trace. Ouais, j'aime bien, ça m'intéresse, c'est drôle. Il essuie l'odeur, quoi. Et, il y va et un long kebab de fiançailles. On parlait juste avant de remplacer le mot kebab par des films, etc. Ouais, donc ils arrivent dans une heure à l'hôtel. Ouais, vers 1h du matin, heure française. Ouais. Voilà, pour ceux qui suivent un peu le. Un bel hôtel avec spa et tout. Ah bah oui, ah, c'est sûr. Bien. Bah à chaque fois, ils se mettent la race. Hein, mais moins bien que l'autre fois, quand même, ils ont dit. Ils vont quoi? Ah oui, c'est vrai, ils ont pris un peu moins cher. Bah, moins cher, tu vois, l'hôtel quand même il est bien, mais ouais, une gamme en dessous, on va dire. Ouais, c'est pour faire ça. Genre, reste quand même stylé quand même. Ils vont fermer aussi, ils vont se cacher, non, les journalistes, non? Non, ils ont prévu justement de s'ouvrir au public. Ah ouais, pour ouais, d'accord. Donc, pour faire moins arrogant quoi. Bah ouais, ils veulent changer. D'ailleurs, ils ont été obligés de faire des dédicaces ce matin, ils ont été obligés de rester une heure avec les gens. Quand tu les vois, ils sont plus sympas déjà. Ils sont, mais est-ce que c'est. Le problème, c'est que c'est forcé quoi. Ouais, mais c'est d'autres joueurs aussi. Ça veut dire. Non, je sais pas. J'en sais rien. C'est leur métier aussi. Salut Guillaume, merci d'être là tous les soirs. on rigole trop avec vous. Salut Thomas de Saint-Dominique. Nouveau look pour un nouveau kebab. Salut les gars. Salut. Nouveau look pour une nouvelle ville. Alors, on était en train de rigoler avec les kebabs avant, avec les jeux de mots, parce qu'il y avait un qui avait. Il nous écoutait au kebab pyramide. Ok. Ouais, bon il y a deux minutes. SOS, mon kebab a besoin d'aide. Cauchemar en kebab. Ah, cauchemar en cuisine. Salut tout le monde. Alors, il y a les kebabs de la télé-réalité en Australie. Ouais. Alors, il y avait Bertrand qui était là avec nous. 23 boules, hein, c'est ça, lyonnais. Ouais, c'est ça. Dans le Rhône. Actuellement en masters pour faire une école de commerce, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et t'aimerais plus tard faire commerciaux, tu m'as dit. Pas commercial, mais commerciaux. Ouais. Ils sont de Bertrand. À l'étranger, t'as plutôt un truc que t'aimerais vendre en particulier? T'aimerais faire un business dans un domaine un petit peu précis, genre du tissu? Non, rien de spécial, monter mon entreprise en fait, et puis après, pourquoi pas monter le truc un peu partout, ou peut-être truc de sextoy ou autre truc, quoi. C'est vrai? Mais ça marche. Bah, ouais. T'es un original, toi. Ouais, il est pas con. Là. Eh, bah, parce que c'est les trucs qui marchent en plus, donc. Ah bah écoute, le sexe, je sais pas. Et je sais pas. Surtout que les Américains, ils sont très branchés là-dessus aussi. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah, t'es spécialisé dans les sextoys. Il y a une télé-réalité, Guillaume, t'as vu? Tu fais une étude de marché sur les sextoys. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai un stagiaire? Une télé-réalité sur les acteurs porno maintenant. Ils vont recruter un acteur porno. Une télé-réalité, ouais, sur... genre, en France? Mais je crois que c'est en France, ça va venir justement, j'ai vu. Je suis pas sûr qu'il y avait des scandales un peu partout. En fait, ils vont filmer des gens qui vont coucher ensemble tout le temps. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ah, mais pourquoi? Mais c'est sur quelle chaîne? Bah, justement, j'ai pas la chaîne en fait. Que j'y aille. J'aille regarder. Une chaîne de cul, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce soir, si vous entendez à un moment donné deux hits enchaînés comment ils s'appellent, des Daft Punk. Ouais. Ouais. Si vous entendez deux morceaux des Daft Punk enchaînés, vous enverrez Guillaume et vos coordonnées au 612. Ça veut dire qu'il y aura le Dream Pack, c'est le double hit. Bah, ça vaut le coup. Et ce soir, on vous offre un Dream Pack, c'est-à-dire une PS4, un Xperia, Sony Xperia Z2, ouais, bonne chance, hein. FIFA Coupe du Monde, Watch Dogs. La totale. Voilà, pour la même personne, donc celui qui l'aura tout à l'heure, il peut tomber n'importe quand toute la semaine. Ouais. Donc voilà, préparez-vous si vous voulez pêcher ça. On se fait le juste prix dans deux minutes. On a des Nokia, les tout nouveaux portables Nokia XL. Ouais. C'est nouveau là, qui arrive dans deux minutes. Il y en a qui me dit, tu te rappelles Guillaume de Raleigh Didi? Ah non, attends, c'est la question. Ah ouais, ouais, c'est ça. Là. Ça fait musique de mariage un peu, ça. Non, moi, je me rappelle plus de... Attends, c'était quoi? C'était... Aïcha. Putain, l'ancienne, quoi. Ou alors... Voilà, tous ces vieux morceaux là, je m'en rappelle. Salut mon con là. En tout cas, avec Bertrand qui a fait un défi avec des potes, hein, c'était de mettre une fessée à la prof. Alors il y a eu beaucoup d'appels suite à ça. Il y a eu notamment Amandine, hein, qui nous a appelé du 23. Ça va Amandine? Allô? Ah, vous allez bien? Salut. Ça va ou quoi? Bienvenue dans le 23, c'est ça t'appelles, hein, de Saint-Yrieix. Ouais. Dans la Creuse. Saint-Yrieix, qui est dans la Creuse. Et actuellement, Amandine, toi, tu fais, t'as inventé la collection de billes de cartouches d'encre qui sert à rien, c'est ça? On l'a tous fait. Mais que tu fais pendant 2-3 mois, et puis en fait, que finalement, mon dieu, ton stylo il tombe et tu perds tout, et tu fais non! C'est et puis ça, en fait, ouais, en fait, ça ne sert à rien. Bon, ça va, Amandine, t'as un copain, toi, à Saint-Yrieix? Non. À part rencontrer le bachelor de Saint-Yrieix. Le bachelor du kebab. Le bachelor de. Exactement, ouais. Oh, t'es célibataire, t'es en couple, t'es comment, Amandine, toi, actuellement, là? Célibataire, ouais, t'es la fille du maire de Saint-Yrieix. Elle n'est pas. Non, la petite fille. La petite fille, non. C'est vrai. C'est ton grand-père. Non, mais c'est pas des conneries. Ah bah tu veux. Mais non, c'est une blague. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vrai. D'ailleurs, on a ton grand-père sur l'autre ligne. Hein. C'est Guillaume Irma. Bonsoir, monsieur. Ah, il a faim, apparemment, le grand-père. Il a mangé du yaourt. Il a craqué un tout. Non, mais ah, c'est vrai, ton grand-père, c'est le maire. C'est stylé, ouais. Ça. T'as vu, en rigolant, je lui dis, t'es la fille du maire. Putain, il est maire, quoi. T'as vu, Amandine, j'ai une sorte de médiumité en moi. Ouais, ça fait peur. Hein. Je vais reprendre ma boule de cristal et je vais. Mais je crois que maintenant, ma boule de cristal, je vais la laisser tomber, j'ai envie de faire magicien. Je vais lire l'avenir dans un kebab. Exactement, c'est pas bête ça. Avec la sauce. Dans le kefta. je vais lire ça dans la sauce blanche, quoi. J'ai un stagiaire, lui, c'est la sauce blanche qui vient dans l'œil direct. Non, arrête, pour les mêmes raisons, ouais. Non, pas la même sauce quoi, blanche, non. Alors, toi, Amandine, tu vas nous raconter dans deux secondes. T'as fait un délire entre potes. Martin qui est là, le liégeois. Tu m'entends, Martin, aussi, qu'on va te prendre à l'antenne dans deux secondes. Allô. Vous allez bien? Salut, ça va, quoi, bienvenue, Martin. 18 ans, c'est ça, à Liège? Ouais, c'est ça. Du côté de la cité Arnande. Alors toi t'es passé parce que pareil t'as eu un délire et puis vous êtes chauffé un peu entre potes pour faire des conneries, c'est ça? Voilà, un petit peu délire entre potes là. Qu'est-ce que t'as fait Martin? Alors nous en fait le délire c'est pas t'es cap ou pas, c'est t'es une pute ou pas. Ça veut dire quoi? Bah t'es une pute si tu fais pas ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et alors ça va jusqu'où par exemple, et t'es une pute? Bah nous on peut envoyer en cours de français et on dit à un pote ouais pas capable de prendre ton plumet et tu le lances sur la prof comme ça pour le délire. Il fait ouais madame si je le fais j'ai quoi et hop là il chope directement en moins 5. Et voilà. Ah, ça va, et oui, et après lui, c'est pas une pute. Bon, par contre, j'exagère, il fera si je suis une pute. Non, ah, non, bah, je fais exprès de perdre. Non, je suis pas une pute. Ah, bah, comment on fait pour être une pute? Je veux le faire. Arrête, quoi. Ah, c'est comme ça, bah, alors moi, je jette pas mon non, plume. Non, arrête. Man versus Kebab, salut Kebab dans le 6-9. Salut. Et toi, Amandine, t'as cassé une porte à cause d'un pote, tu vas nous raconter. Alexandre, qui a 15 ans de Saint-Pierre-sur-Dive, aussi dans le Calvados. Ça va, Alexandre? 14. Ça va, vous allez bien? Salut, mec. Ça va, mon coup, bienvenue en direct. On se raconte un peu les conneries qu'on a fait entre potes, comment on s'est chauffé entre poteaux. Ouais. Pour faire des conneries, tiens, t'es pas capable de faire ça, t'es capable machin. Une petite bite. Comme toi, Bertrand, t'es pas capable à 23 ans de mettre une grosse fessée. T'es une bite si tu fais pas ça, t'es ouais. T'es un mange-merde si tu fais pas ça. Et en gros, Bertrand, bah, lui, il a mis une fessée à la prof à la fac à Lyon. C'est 23 chaud. Boules et s'est fait virer. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous êtes chauffé entre potes? Venez nous raconter. On se fait Coldplay qui arrive. Ouais. Sia Chandelier. On se le fait dans 2 minutes, il y aura Black M. Sur Énergie, on se fait les plus gros hits qui arrivent. Un Snoop Dogg aussi, avec Jason Derulo. On se le fait dans 2 minutes. On se le fera dans 2 minutes. Jason Derulo, Snoop et Pitbull qui arrive. Aussi, on s'écoutera l'autre Pitbull avant 2h du matin sur Énergie. Bienvenue tout le monde. Vos superstars préférées choisissent toutes Energy pour leur concert en France. Seth Farrah Williams, Sir Energy. One Direction. Sur John Legend. Hi, this is Katy Perry. Happy birthday. Vous gagnez vos places pour tous ces concerts à tout moment sur Énergie. Les plus gros concerts en 2014 sont des concerts Energy. Hit music only. Tu rêves de partir à l'aventure sur une île mystérieuse avec une belle héroïne? D'aller à la conquête de nouveaux mondes? En ce moment, chez Auchan, tes rêves deviennent réalité. Le pack Xbox 360 250Go avec Tomb Raider et Halo 4 est à 179€. Oui, 179€, soit 70€ d'économie. Allez, fonce chez Auchan dès maintenant! Offre valable jusqu'au 15 juin, voire conditions en magasin. Des filles en live sur ton mobile? Appelle vite le 3212. Le top des filles en live sur ton téléphone. Rejoins la fille de ton choix, en direct et en images, pour un duo en tête-à-tête sur ton mobile. Tu es prêt? Tu es prêt? Alors rejoins-nous vite au 3212 pour du vrai live. 3212 par téléphone, ajoute l'image à ton mobile. 3212. Sillage, 1,35€ par appel, plus 34 centimes par minute. Une course de rafting avec 3 potes? Facile! À partir de 77€ par personne, le séjour dans les Landes sur départ1825.com. Vous avez entre 18 et 25 ans? Faites le plein d'idées vacances à prix réduit avec le nouveau site départ1825.com. Avec en plus un coup de pouce financier de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Offres et conditions sur départ1825.com. Kémoine, en direct de l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Toutes les exclus sur les nouveaux jeux dans le JT spécial E3 dès maintenant sur Game One, les réseaux sociaux officiels et l'appli mobile. Alors, à très vite sur Game One. Disponible sur le câble, le satellite et la DSL. Le 3269 par téléphone ou en appel 3G, c'est le numéro court de tous les bons plans. Tous les bons plans. Sur le 3269, tu peux brancher plus de 50 filles en tête-à-tête et en moins d'une minute. Tu veux les rejoindre? Prends ton téléphone fixe ou portable et appelle le 3269. 3269. Tu peux aussi faire des tas de rencontres par SMS en envoyant oui au 61300. Oui au 61300. MTE 35 centimes plus prix d'un SMS. Événement Énergie 12. Les people passent le bac. La grande finale. Après un bachotage intensif, c'est l'heure de la grande finale pour les people. Qui d'Élodie Gossuin, Valérie Beg ou encore Olympe aura la meilleure note. Ce programme est interactif. Rendez-vous sur energie12.fr. Rubrique Connect depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Les people passent le bac. Surveillé par Manu Lévy et Eric Amoulet. Demain à 20h50 sur Énergie 12. Oreo Double saison 2. Défi 3-2 alléché. En ce moment, sur oreo.energie.fr, vos animateurs s'affrontent dans des duels déjantés et des défis improbables. Qui sera le plus fou? N'essayez pas de faire la même chose chez vous, mais votez sur oreo.energie.fr pour les départager et tentez de gagner plein de cadeaux avec Oreo Double. Pour votre santé, bougez plus. Voir règlement du jeu sur oreo.energie.fr. 23h, 22h. Alors là, je te jure que j'appelle ton père j'appelle mamie, j'appelle tata, j'appelle tonton, j'appelle toute la famille, là, je t'ai dit, hein. Toute la famille, ça va chauffer. Moi, je crois que tu vas aller en Afrique, hein. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Salut, Guillaume, c'est quoi le titre de la chanson qui fait comme des sifflements que tu viens de passer? Ah, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Je suppose que c'est ça qui fait comme des sifflements, c'est Wiggle Wiggle. Voilà, Jason Derulo, Snoop. Snoop Dogg qui arrive en force avec Jason Derulo d'un côté, avec Wiggle Wiggle Wiggle et avec Psy de l'autre. Double morceau pour Psy, quoi. Double hit. Il est sorti tout à l'heure, Psy et Snoop Dogg, là, tout le monde le fait tourner là. Elle est bien. C'est quoi le titre de la chanson qui fait comme voilà? Salut Roland School, salut Carencia du 7-6, là. Salut à tous les 7-6 ici d'ailleurs, 23h57. Encore bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 9 juin, en profiter. Salut, mon réveil à un terrasse, sonné demain, salut Dioui. Salut. Des kebabs et des claquettes, salut tout le monde. DJ Kebab Strip, salut tout le monde. Entre les kebabs, entre le mur, salut Loïc à Paimpol, salut dans le 2-2 là. Salut mec, salut à tout le monde. Alors, en tout cas, on était en direct avec Bertrand qui était là, qui s'était chauffé avec des potes, qui avait fait n'importe quoi et qui au final avait fait des... Quelles sont les plus grosses conneries que vous ayez fait quand vous vous êtes chauffé entre potes, un petit peu comme Bertrand qui a mis une fessée à sa prof principale alors qu'il était... T'es à la fac, hein, c'est ça Bertrand, hein? Ouais, ouais, je suis à la fac, ouais. Et t'as mis une petite fessée à Lyon 2. Ouais, enfin, ouais, c'était une petite fessée un peu direct, quoi. Prof direct. De quoi? Prof de quoi d'ailleurs? Éco-droit, ouais. Ah, c'est sympa. Ah, c'est bien, c'est pas important du tout. En fait. est-ce que pareil, vous êtes déjà chauffé pour faire une connerie? Dans 10 secondes, on fait le juste prix. Alors, on a quoi? On a les. Il y a plein de choses, ouais. C'est là-bas. Il y a les téléphones. Cartons. Là, voilà, hop. Attention. On a les Nokia XL, donc c'est double carte SIM en plus, là. Ouais, ils sont bien. Ils ont deux numéros, quoi, c'est pratique, ouais. Compatible Android en plus, La classe. Toutes les applications, etc. On vous les offre, les Nokia XL, les portables, tout ça. On vous les file avant 2h, on se fait le juste prix. Et alors, exceptionnellement, pour le juste prix, on va en offrir deux. Non, voilà, il y aura deux par jour. Et tout à l'heure aussi, si vous avez deux hits, c'est pas sûr que ça tombe, hein, ça peut tomber plusieurs fois dans la semaine et ça peut ne pas tomber. Les double hits Daft Punk. Dès que vous entendez deux morceaux de Daft Punk enchaînés, vous enverrez Guillaume et vos coordonnées, je vous offre une PS4, plus un Sony Xperia Z2, plus FIFA Coupe du Monde, plus Watch Dogs. Gros cadeau. Donc voilà, ça s'appelle le Dream Pack et on vous l'offre dès qu'il tombe dans le, double hit. Et exceptionnellement, en plus, vous pouvez vous inscrire toute la semaine sur oreo.energie.fr parce qu'on fait la pub à la télé. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs sur la 12? Parce que je l'ai pas vu. Moi sur Energy 12, la pub télé sur Energy 12 là. Regardez chez moi un peu. Il paraît qu'elle est diffusée depuis hier, je l'ai pas vu du tout. Ah ouais. Bah après j'ai pas regardé trop la télé. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ou pas? Dites-moi par SMS là. Ouais. Et en tout cas, du coup, on a fait la pub et sur le site oreo.energie.fr, vous cliquez soit sur le défi de gauche, soit sur le défi de droite. Ouais. Et au-delà de tout ça, l'intérêt, c'est que jeudi, toutes les heures, je vais tirer quelqu'un au sort dans le défi gagnant, celui où il y aura le plus de votes. Et chaque heure, je vous appellerai pour vous offrir un iPhone 5S. Normal. Beau cadeau. Un MacBook Air. Okay. Un iPad Air. Okay. Voilà. Et chaque heure, on vous offrira un cadeau qui vaut hyper cher. Ouais. Jouez-nous. Et ça prend vraiment 5 secondes à cliquer. Vous mettez juste votre prénom, votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler. Ouais. Sur le site, c'est oreo.energie.fr. Allez-y en 2 secondes, allez voter. Bonne chance. Et voilà. Et jeudi, on sait jamais comme ça. Il y en aura 3 par semaine. Oui, donc ouais. Profitez. Hein. Nous, on s'est chauffé avec des potes. On était dans un endroit où il y avait beaucoup de camions, les livreurs étaient à l'intérieur de l'entrepôt, une camionnette était ouverte, on a trouvé le double des clés dans la boîte à gants, on est parti avec. Oula, fais gaffe, c'est un vol de voiture là. Ah ouais, c'est pas en prison. Attends, et parce qu'il n'y a pas la suite de ton message, renvoie le message avec ton numéro, mon con, parce qu'il n'y a pas tout là. Moi je taffe la nuit, c'est trop bien cette température pour moi. Ah bah oui, normal. Salut Cédric, maître chien de Ulm dans le 76. Salut. T'as pas de ventilateur, Bertrand, chez toi? Il est déjà allumé, mais ça fait rien. Et puis franchement, un ventilateur pour dormir, mais je pourrais pas moi. Il y a le petit bruit, non, le bruit. Oui. Horrible. Si ça te berce. Le bruit un peu. Et puis même ça fait du vent. Je déteste dormir avec le vent. Mais on aime. En fait, le top c'est d'avoir une clim, mais bon, y a personne qui a une clim chez soi. Ah quoi. Ouais, c'est et après avec le torticolis le lendemain aussi. Ah ouais, c'est vrai que ça fait froid. Ouais. À Lille, il fait 21 degrés. Nous. Salut tout le monde. Ah, il fait doux. Pensez à FX qui est parti rejoindre les anges là-haut. Salut FX. Bah, encore un salut bisou, FX. Hein. Salut. Ouais. Il fait 28 degrés à Montpellier. Moi, j'arrive pas à dormir non plus. Salut à toi. Bah écoute l'émission là. Le meilleur acteur de Soda, c'est Kebab Adam. Salut les gars. Le kebab au bois dormant. Zizi's kebab, nana, Zizi's kebab. Salut Emma du 7-2 là. Salut Emma. Le monde des kebabs pour le monde de Narnia là. Ou de Nemo. Moi pareil, j'ai sauté à 20 mètres et plat sur les cuisses. Ils ont encore mal quand j'en parle. Salut Fred. Ah ouais. Salut Guillaume, il y a Alice au pays des kebabs aussi. Ah on l'avait dit tout à l'heure. En direction du Val d'Oise, encore 370 km ce soir, tout je peux manquer. Salut Stéphane. Bonne route, mec. Ouais, bonne route à toi. Gilles, est-ce que t'as déjà fait un truc entre potes, vous êtes chauffé pour faire une connerie, puis au final vous l'avez fait alors que si t'avais été seul, tu l'aurais pas fait? Bah, en fait, on voulait briser des couples en fait en soirée. On avait vu genre une belle meuf, elle était avec un mec et forcément le mec on l'aimait pas. On connaissait parce pas. Que, mais... Parce qu'il sortait. Ouais, et en fait, on se disait chacun notre tour, faut aller danser avec la fille devant le mec, limite le pousser et danser avec la meuf, tu vois. Ah, pour essayer de l'énerver. Et, quoi. Moi, je l'ai fait, mais rien arrivé, mais j'ai un pote à moi, ils sont embrouillés, ouais. Il y a tous les mecs en couple qui sont en train de dire enculé. Non, mais franchement, t'es en train de te faire insulter par tous les hommes en couple. Non, mais c'est un scandale. Ah, c'est sûr. C'est frustrant en fait quand t'es avec tes potes, il y a une belle meuf, elle est avec un mec, t'as envie de la faire chier, enfin, je sais pas. Bah, nous, c'était comme ça, c'était un jeu. T'as juste envie d'en avoir une aussi belle et de faire des efforts vestimentaires, sans la coiffure, sans tout ça, pour que la prochaine sera pour toi. On voulait qu'ils se clashent, tu vois, parce qu'on était célibataires, tu vois. Et alors, est-ce que ça a marché? Non, ça marchait pas en fait. Ouais, ça marchait pas. À part une fois, mon pote, il s'est vénère une fois avec un autre mec, c'est tout. Il fait chier le monde, c'est marrant. JM du Standard. Ouais, ben nous on était en BTS en fait, on est parti manger un morceau avec une bande de potes, on était une dizaine. Et le problème c'est qu'il y en a un qui a commencé à lancer une idée, ouais venez on va prendre un verre dans le bar d'à côté, on était tous à pied. Sauf que voilà, il y en a un qui a commencé à tourner, à payer sa tournée, le deuxième, le troisième, et on était 10 en fait à prendre l'apéro. Et quand on a voulu rentrer en cours, le prof il nous a dit non mais c'est pas possible, vous sentez tous l'alcool. Ils ont tous mis dehors et on a tous fait la sieste. Ah merde, ouais, c'était en cours, c'était à midi. Ouais, à midi. C'est à midi, ouais. Ah, vous êtes mis la race à midi. L'apéro. Ce soir, je me suis mis la race. Ce midi, je me suis mis la race. C'est ce midi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Salut, vendredi, tout est permis avec les kiosques. Salut, salut vendredi, tout le monde. Kebab. Kebab Express aussi, merci beaucoup. Là. Salut. Moi, en maternelle, il y a une pote, elle m'a dit t'es cap de pisser dans la bibliothèque. Je l'ai fait, ils m'ont exclu une journée. Ah bah non. Elle était cap. Quand j'étais petit, on m'a poussé à voler des petites voitures chez Kiabi. Salut à toi. À quoi une soirée paranormale en public, je viens avec mon pote Ricardo. Salut Raph du 9-2. Là. Salut Raph. Eh ben, en tout cas, et dimanche soir, on fait une soirée spéciale fille entre 20h et minuit dimanche avec que des filles dans le public. Donc s'il y en a qui veulent s'inscrire pour venir avec nous, ça va être rigolo là pour la spéciale fille. On est en train de préparer plein de conneries en plus pour dimanche entre 20h et minuit. Ouais. Donc allez-y par email, hein, guillaume@energie.com pour toutes celles qui veulent s'inscrire. Vous m'envoyez juste votre numéro de téléphone et par SMS, vous m'envoyez Guillaume un espace et fille avec votre numéro de téléphone au 612. Guillaume un espace et fille avec votre numéro de téléphone au 612. Je vous rappellerai demain après-midi avec plaisir. Pas de soucis, ouais. Nous on sort de Disney, on rentre sur Bordeaux maintenant, 6 heures de route. Alors faites nos rires et rêvez, des gros bisous. Salut Seb et Tatiana qui sont sur la route de Bordeaux. En direction de Bordeaux. Putain, vous allez vous taper là tous les éclairs, il pleut là. Pleut, là. C'est le déluge, ouais, là, regarde. Ah ouf, ouais, putain, ouais. Oh là là. Tout à l'heure, ça s'arrête pas. Ah, ça tombe. Attends, je vais regarder. Eh, parce faut se méfier, hein, pour ouvrir la fenêtre. C'est encore alerte, je sais pas quoi ce soir ou pas, non? Ouais, vigilance, je sais pas quoi là. Attends, je vais regarder, je veux dire. Est-ce qu'il pleut? Oh, le bruit! C'est bon, on a la réponse. ça s'entend à l'antenne ou pas? Ouais, grave, ouais, j'entends. Je sais pas si vous entendez. On dirait qu'il y a une vache qui fait pipi. Ah putain, ouais, c'est. Putain, ah, ouais, ça avance, ouais, quoi. Salut Guillaume, j'ai vu ta pub, moi, à la télé. T'as des filles comme là. Merci Alexis du 7. Ah, vous l'avez vu? Ouais, pas de. Ah, oui, je l'ai vu la pub. Salut à toi, là. Salut. Very bad kebab, salut les mecs. Kebab fatal. ou fatal kebab, ouais. Salut, ouais, kebab fatal. Radio 2.0, là. Les kebabs de la télé-réalité, merci beaucoup, là. Salut. L'amour les est dans le commandement du kebab. Les 11 commandements du kebab, ouais. Bravo. Joséphine Ange Kebab aussi. Merci pour les messages. Alors, JM, il a fait le connerie entre potes, bu à midi, quoi. Ouais, c'est ça, mais vraiment, en plus, il y en a eu ça. Bu du Ricard. Ouais, mais en plus, il paraît qu'il y avait un nuage qui nous suivait. Ah, non, mais c'est sûr. Bah, le Ricard, c'est pas attends, un homme qui boit, enfin, une femme, un humain qui boit, ça sent. Mais oui, mais sans qu'il sorte par, ça sort par la peau, la vous peau, savez. Bah oui. L'odeur, la en fait. Oh, mais c'est on met du parfum. Non, mais l'alcool, c'est de la merde, on le sait. Et on se fait l'imash-up à l'ancienne en mode régal. On se fait mon connexion, si vous ne connaissez pas, c'est un nouveau hit énergie. On se fait CH chandelier qui arrive. Tiesto, Black M sur ma route. Sur ma route. Juste après, M Connection sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, bienvenue, hein. Minuit 5, ouais. Juste après, juste prix. On se fait dans 2 minutes le jeu du tueur où on fait peur à quelqu'un. La Starac Énergie. On vous offre des cadeaux aussi juste après ça. Et le jeu des hôtels avec le marqueur dans la bouche. Ouais. On va bien rigoler en mode réservation. Oui, monsieur, j'ai rien. Voilà, on se le fait dans 2 minutes. Jusqu'à ce qu'elle les jeunes viennent. Tout le monde est mal quand je pousse les watts. Fume un loin, fais un tour, ici c'est madame en bleu. Voilà ton mari, il a les sons. Biquet, oui, moi, les sons jusqu'à ce qu'elle les jeunes viennent. Tout le monde est mal quand je pousse les watts. Fume un loin, fais un tour, ici c'est madame en bleu. À Ucange? Non, je suis boulanger dans une ville à côté, à Famec. Famec, à côté d'Ucange. C'est ça. Eh ben très bien, eh ben, écoute, bienvenue Ludo là. Et il y en a un qui dit, je vois un SMS qui arrive par SMS. Il dit, tu viens de Ucange, comme le régime d'Ucange. Guillaume Radio 2.0. Sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie, on se fait Jason Derulo, Wigou, juste après. On se le fera sur Énergie, on se retrouve hein. Ouais. L'événement tous les soirs à 23h sur Énergie, venez nous retrouver. Guillaume Radio 2.0, 23h à 2h. On est là. Black M, juste après. Il est là aussi Black M. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement. On se fait tout ça dans 2 minutes. Sia carré, prochain hit. Mais alors juste avant, on avait promis de se faire le comment il s'appelle, le juste prix. Ouais. Il est là. Ah, voilà, je prends une feuille blanche au hasard. Et je vous offre donc du coup aujourd'hui des Nokia, des portables, des smartphones. Ouais, ils sont beaux. Mais les gros, ouais, les bien chers en plus. Ouais. Nokia XL, voilà. Bonne chance. Alors, c'est parti. Je marque un chiffre sur une feuille. Ouais. JM du standard, je te montre. Ouais, Guillaume. Julien Sagir, je te montre. Ouais, note, Guillaume, attends. Amina du standard, je te montre aussi. Ouais. Voilà, le chiffre. Elle dit oui, mais elle a pas vu en fait. Mais ouais, c'est je le vois là. Ah, tu le vois, t'es sûr, je me suis mise debout. Non, tu vois plus. Voilà. En tout cas, on vous offre ce soir, avec le juste prix, le premier qu'il trouve, on lui offre un Nokia, un smartphone. Mais c'est les nouveaux là, ils reviennent dans la course là. Nokia. Ouais, bah, il faut. Double carte SIM, etc. franchement bien. Alors, en plus Nokia, l'avantage est que n'ont pas tous les autres téléphones, toutes les marques du monde, c'est la batterie. Faut bien avouer que Nokia, ils ont une batterie de bâtard. C'est pareil, voilà, c'est l'avantage aussi. En tout cas, il faut trouver un chiffre. Je vais demander à Mike, Martin, Amandine, Tom, Bertrand et Alexandre de me donner un chiffre. Je vais vous dire plus ou moins. Après, ça sera à vous par SMS. Ouais. Non seulement il y aura le premier, vous pourrez vérifier, je vous donnerai l'heure à la seconde près avec le logiciel. Ouais. Et si en plus il y aura le gagnant qui repartira avec un portable, j'en prendrai un autre au hasard avec le logiciel. Un autre tir au sort pour en offrir deux ce soir. Alors Mike de Poitiers, tu m'entends Mike de Poitiers? Oui. Ça. Oui. Salut. Ça va quoi, Mike? Ça va Mike, 18 ans, 18. C'est ça mon con. C'est ça. Alors, est-ce que tu veux bien me donner un chiffre, s'il te plaît, que tu veux? Tu commences au juste prix, si tu le trouves, je t'offre le cadeau. 5000. C'est moins que 5000. Ah. Mais c'est pas mal essayé quand même. Toi, t'as mis des punaises sur la chaise d'une prof, hein, tu vas nous raconter après. Ouais, vous êtes chauffés entre potes, mais ça a marché ou pas du coup? Je me suis renvoyé de cours, ça a marché, genre, elle a senti des picotements dans son cul, elle s'est levée, puis elle a regardé, et là, elle a mis des punaises, c'est merde. Ça fait mal, les punaises. Non, mais ça a pas fait l'effet que tu voulais, tu pensais qu'elle allait sauter, etc. Ouais, je pensais qu'elle allait sauter au plafond, quoi. T'étais un peu déçu, quoi. Elle va mettre un clou. Ouais, donc le lendemain, t'as branché une prise électrique sur ta chaise en fer. C'est le mec qui va toujours plus loin dans la blague, il va. Ouais, la surenchère. Hein. Ah ouais, d'accord. Et tu t'es fait virer combien de temps, du coup, Mike? Deux jours, ouais, ça va, gentil. Ouais. Enfin, c'est comme virer. Ouais, bah ouais, mais bon, ça va. Et merci d'ailleurs. C'est une école privée et tout, donc. Ah, en privé, normalement, public, c'est privé. Ouais. Ouais. En tout cas, on est 62 606 sur Instagram. Pour merci. Ceux qui ont Instagram, merci beaucoup. Pour les photos. Rajouter le mot kebab dans le titre d'un film. Ouh, mais. J'ai l'impression qu'on est en top tweet devant tout le monde. Ouais. Mais numéro 1 français ce soir. C'est gentil, merci. C'est gentil. Ah, je sais pas combien on a, t'as toujours pas ton chargeur, j'ai mis du standard. Ah ouais, non, je peux pas. Merci d'être venu chercher mon la même. Parce que je voulais voir le nombre de tweets qu'on avait eu grâce à ça là. On regarde. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Allez-y, un hashtag rajouter le mot kebab dans le titre d'un film. Ouais. Amour, gloire et kebab, je vois. Le hashtag, salut tout le monde. Salut. Les kebab de l'espace, salut mon con là. Salut. Million de dollars kebab. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon kebab? Les trois kebab. Il y en a encore plein. Merci beaucoup tout le monde. Bah, continuez, allez-y, ouais. Je vais lire les messages dans deux minutes. Il y en a, ah oui, il y en a 20 par seconde là, des messages. C'est gentil. Eh ben, merci beaucoup. Et vous pouvez nous follow sur Twitter, c'est Guillaume Play, P-L-E-Y. On est combien d'ailleurs, je vais te dire. Attends, je regarde Guillaume, on est sur Twitter, on est. On est 205 000, 717. Voilà, ouais, merci beaucoup tout le monde. Pareil, hein, sur Twitter, Instagram pour l'appli photo et sur YouTube, ceux qui ont une page YouTube, une chaîne YouTube, venez vous abonner à nous. On a fait la nôtre aussi où on met toutes les vidéos de l'émission, etc. Ouais. Je vais mettre bientôt toutes les caméras cachées qu'on a faites pour l'émission télé. Ah, ça va être bien. Et vous êtes déjà beaucoup à être venus vous abonner. On est 426 136. Merci. Ouais, merci beaucoup. On va arriver à 450 000 bientôt, 500 000, etc. Merci c'est beaucoup. C'est gentil, ouais. Mais alors, le chiffre qu'on cherche, c'est en dessous de 5 000. Oula. Alors, Alexandre de Saint-Pierre, 79. Tu m'entends, Alex? Ouais. Alexandre, c'est celui qui a réveillé un mec qui dormait dans une voiture paisiblement. Oh, c'est chiant. Et ils se sont fait suivre jusqu'au bahut. Alors, Alexandre, donne-moi un chiffre en dessous de 5 000, s'il te plaît. 2627. Est-ce qu'on va réécouter Clash d'hier? Ouais, on pourra le réécouter, ouais, avec plaisir. Il était bien. Ouais. Alors attends, ouais, on pourra le réécouter avec Clash d'hier. Avec Ruben, ouais. Avec la daronne, là, qui ouais. C'est la daronne black, là, Aline, qui, ouais. Qui disait qu'il voulait renvoyer son fils au Congo, là. Il, en fait, c'est l'un d'entre eux qui a fait croire à sa mère hier qu'il voulait devenir rappeur et qu'il voulait arrêter les cours. Ouais. Hein. C'était les Clash d'hier. On pourra le réécouter tout à l'heure. 2627, c'est moins, malheureusement. Martin de Liège. Moi je dirais 1934. Le t'es une pute ou pas, voilà. Alors, combien 1934. Ouais. C'est moins que 1934, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a, GM du standard? Je crois qu'on a un top tweet monde aussi, Guillaume. Non. Ah, est-ce qu'on est bien placé là? Ouais, on est 5ème. On est que 5ème, ouais, dans le monde. Je suis, ouais, très déçu. Pour cette émission, je trouve que nous ne sommes pas assez suivis. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une déception du public. Il, ouais, faut que nous remontions tout de suite, ah, oui, en, ouais, première place dans le direct, monde. Direct, ouais. Faut que ça change là. Nous, on est numéro 1, on n'est pas là. Ça sert à rien. On n'est pas là. On n'est pas venu pour jouer, on est venu pour gagner. Ouais, ça. Alors, allez-y, tout le monde, on le fait ensemble là. Ah oui, on est top tweet monde. Eh ben, merci beaucoup. Allez-y, hashtag. Rajouter le mot kebab dans le titre d'un film, on va le refaire monter en top tweet. Nous ne sommes que 5ème dans le monde, c'est un peu décevant, ah ce, oui, soir. Ah, je suis un peu chagrin, j'aimerais que nous remontions là. On est triste. Ouais, merci beaucoup en tout cas, tout le monde, c'est plaisir. Alors, 1934, malheureusement, c'est moins. Amandine, 13 ans du 23 là. Ouais. Donne-moi un chiffre en dessous de 1934, s'il te plaît. Merci Amandine. Prends ton temps, bravo. Non, au hasard, un chiffre. Vas-y rapidement, Amandine. 737. 737, tout ça pour nous donner un chiffre qui n'est pas le bon. C'est plus que 737. C'est entre 1934 et 737. Donne-moi un chiffre, s'il te plaît, Tom. 1510. Ouh là là là là là. Ouh là là, on approche, on approche, on approche. Bertrand, c'est plus que 1510. On cherche un chiffre entre 1510 et 1934. Bertrand de Lyon. Alors, 1931. C'est moins que ça, putain. J'ai dit quand j'étais vers 1510, ouais. Ah là là, mon combattant. Alors, il y en a qui dit 1914. Salut à toi. Non, c'est moins que 1914. Allez-y. Et alors, surtout par SMS, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone. 1912, ouais, salut Chloé. C'est moins, salut, que 1912. Bisous. Voilà, on est en dessous de 1912. Entre 1510 et 1914, le premier qui trouve le chiffre, on lui envoie un cadeau. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est 1600? Salut, c'est plus que 1600. Salut. Voilà, bisous. Entre 1600 et 1912. Ouais. Voilà, le premier qu'il trouve, salut, 1789, la Révolution française, ouais, ah oui. C'est moins que 1789. Bonne, voilà, chance. Allez-y rapidement. Est-ce qu'il est arrivé, j'aime bien, ouais, toujours pas arrivé, Guillaume, ouais. Il y a Alistair qui dit 1704. Salut Alistair. Salut. Alors, bonsoir à toi Alistair, merci de ton message. Tu as bien, mmh, mis ton numéro de téléphone, 06 21 64 30. Ouais. Néanmoins, c'est moins le chiffre. Donc on cherche un chiffre entre 1600 et 1704. Le studio est éclairé par les éclairs. Là, derrière, c'est, cool, c'est impressionnant, ouais, Guillaume. Ah, mais je suis éclairé par les éclairs. On dirait un radar fixe. C'est-à-dire que je vois des. Ah, mais c'est toujours, c'est violent. C'est énorme, c'est-à-dire que derrière ça moi, tombe... ça éclaire le studio. Ouais, ouais. Ça tombe où, ça, on sait pas. Bah, je sais pas, j'ai pas demandé, ouais. J'ai, non, pas demandé l'orage. J'aurais peut-être dû demander l'orage. Ouais. C'est vrai que j'ai pas non, pensé. Mais, tu vois, la foudre, elle tombe bien quelque part. Et en tout cas, vous avez une chance sur 100 de pécho. Ce soir, les nouveaux Nokia, les nouveaux smartphones, et encore plus que ça, vous avez une chance sur 50. Ouais. Si vous avez maintenant, marrant, puisqu'il y en a deux. Donc voilà, on en offre deux ce soir. On cherche un chiffre entre 1600 et 1704. Allez-y, maintenant. Vous allez envoyer Guillaume Guillaume, un espace et le chiffre avec votre numéro de téléphone. Il y en a un qui dit 1650. Salut, salut Guillaume, mec. 1650, c'est plus. On est entre 1650 et 1704. Ouais. Envoyez bien Guillaume et le chiffre 612. Jeu du tueur, dans une minute, on va appeler qui? J'ai venu s'en ouais, on va appeler Quentin. Quentin, très bien. Qui veut faire peur à sa maman, ouais. Ah, voilà. Quentin qui veut faire peur à sa mère. Et ça s'appelle comment sa mère? Elle s'appelle Sandrine, elle est aide à domicile. Sandrine, ah, très bien. Alors, je prendrai mon déformateur de voix dans deux minutes si vous découvrez l'émission. Et je me ferai passer pour un tueur et on va appeler quelqu'un qui est seul chez lui, donc une maman seule. Et je vais lui dire que je vais rentrer. Et l'un d'entre vous va taper sur sa porte juste après. Sia Chandelier, envoyez maintenant Guillaume et un chiffre entre 1650 et 1704 avec votre numéro de téléphone. Et il y en a deux d'entre vous qui ont pêché au cadeau juste après Sia sur Énergie. David, David, décris-toi, enfin présente-toi qu'on sache qui tu es. Parce que tu moi, je suis vérificateur chez Carglass. D'accord, okay. Ah, c'est toi qui regarde si c'est plus gros qu'une pièce de 2 euros. C'est Guillaume Radio 2.0. De 23h à 2h. Sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne, il est arrivé le chiffre à l'instant, là, ouais. Bim. Voilà, direct. Bravo. 1680, c'était le chiffre qu'on cherchait sur Énergie, on se faisait juste prix. C'est le nombre de téléphones vendus par minute dans le monde, c'est fou. Ah ouais, c'est beaucoup. Vas-y, le nombre d'usines qu'il faut pour se faire par minute, là, c'est fou. Hein. J'avoue. En tout cas, voilà, 1680. On va prendre le premier grâce au logiciel, on va l'appeler tout de suite. Et on fera un tirage au sort parmi tous les 1680. Donc envoyez un Guillaume, un espace, c'est 1680 avec votre numéro. Bonne chance. 612, on va faire un tirage au sort pour en envoyer un deuxième ce soir. Ouais. Puisqu'on a la. On en a deux par jour. Vous offrez des Nokia XL, les nouveaux smartphones là, chez Nokia qui déchirent. On vous en offre deux et on appelle le premier du coup avec le logiciel. Standard, c'est bon. Ouais, c'est bon, il y a un prénom. Vas-y, on fait le. Ah bah alors attends, le dis pas. qui est une petite surprise et après on se fait le jeu de la peur direct. On se rencontre avec Clash aussi, vous êtes nombreux à le demander. Ouais, allô? Allô, c'est Énergie? Non. Non, non, c'est RTL2. On appelle pour faire des places pour le concert de. Le voilà, concert je... de Zizi la. Voilà. De Zizi la ZZ. Ça, c'est quoi ton prénom? Florie. Ça va? Florie? Salut Florie. Oui. Joli comme prénom. Salut. Florie là. Ouais. Merci. Et t'es d'où Florie? Toulon. Toulon, sois la bienvenue. Ouais, c'est Guillaume, on est en direct sur Énergie, Florie. Bravo Florie. J'y crois pas. Eh bah si Florie, tu fais quoi dans la vie Florie? Collège 5ème. Collège 5ème, eh bah dans quel collège à Toulon? Bah en fait c'est pas loin la Seine en fait, c'est pas. Ah la Seine-sur-Mer, ouais. D'accord, ok, vers la Seine. Et comment il s'appelle le bahut? Fontial. Ah j'ai pas compris. Fondéciole. C'est réel. Fondéciole. Eh bah voilà, bon, si vous êtes là-bas en tout cas, cinquième, c'est un cinquième quoi toi là? T'es en vacances du coup, Florie? Non, pas encore. Ils vont bouler. Cinquième combien là pour ceux qui écoutent? Cinquième F. Cinquième F, eh bah voilà, c'est vrai qu'ils sont en cinquième F, alors dédicace Florie là. Il est quand ton conseil de classe là? 13, bon ça va, c'est demain non? Ah le 13, le jour de la Coupe du Monde. C'est quoi, c'est jeudi? Ouais, jeudi soir, ouais. C'est ça, jeudi, ouais. T'as pas eu cours aujourd'hui, Florie? T'étais en week-end? Non, c'est la grève. Bon, en tout cas, félicitations, Florie. On t'envoie le téléphone à la maison demain matin, d'accord? Bien joué. Eh bah, de rien, Florie. Comment ça se fait que t'as envoyé 1680? C'est au hasard? Oui, c'est complètement hasard, j'ai tout envoyé pour savoir. C'est gentil, tu joues souvent ou c'est la première fois? Non, ça fait plusieurs fois que je joue. Ah bah voilà, et bah t'as vu. Et bah là c'était pour toi. Et bah en tout cas, tous ceux qui ont envoyé, Guillaume un espace et 1680 avec votre numéro, allez-y. Bravo. Juste après la pub, on fait un autre tirage au sort. Reste avec nous, Florie, pour une dédicace, d'accord? On s'en va 30 secondes de pub et juste après, directement, jeu des hôtels, je vais vous montrer, j'ai un stagiaire, prends un marqueur. Avec plaisir. Je te fais dire des mots juste après, je vous montre après. Vous voulez plus d'argent pour cet été? Un plus gros salaire? Ouais, grave. Énergie multiplie votre salaire par 10. Ah, le rêve! C'est votre réveil. Toute l'année, je vais doubler ton salaire. Il vous double votre salaire. C'est super. Merci beaucoup, Énergie. Merci, mais exceptionnellement pour fêter l'été, Manu dans 6-9 va multiplier votre salaire par 10. C'est pas vrai? Pour gagner, inscrivez-vous maintenant sur énergie.fr. Et vendredi à 8h05, si vous êtes tiré au sort, vous gagnez 10 fois votre salaire. C'est énorme. Votre radio, c'est Énergie. It's Music Only. Le 3269 par téléphone ou en appel 3G, c'est le numéro court de tous les bons plans. Tous les bons plans. Sur le 3269, tu peux brancher plus de 50 filles en tête à tête et en moins d'une minute. Tu veux les rejoindre? Prends ton téléphone fixe ou portable et appelle le 3269. 3269. Tu peux aussi faire des tas de rencontres par SMS en envoyant oui au 61300. Oui au 61300. MTE 35 centimes plus prix d'un SMS. Des filles en live sur ton mobile? Appelle vite le 3212. 3212. Le top des filles en live sur ton téléphone. Rejoins la fille de ton choix, en direct et en image, pour un duo en tête-à-tête sur ton mobile. Tu es prêt? Tu es prêt? Alors rejoins-nous vite au 3212 pour du vrai live. 3212 par téléphone, ajoute l'image à ton mobile. 3212. 3212. Sillage, 1,35€ par appel, plus 34 centimes par minute. Il fait nuit. Vous êtes sur l'autoroute, des travaux sont signalés devant vous. Mais comme vous ne voyez aucun danger à l'horizon, vous vous dites que vous pouvez rester à 130 au lieu de 110. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, il vous faudra 36 mètres pour réagir. Bien trop pour éviter ce jeune homme qui pose des cônes de chantier. À cause de cet oubli, vous garderez toute votre vie l'image de ce jeune homme, en train d'agoniser. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables. Partez avec Look Voyage en vacances sur Énergie. Au Maroc, en Tunisie, en Crète, en Grèce, en Espagne, en Sicile. Connectez-vous dès maintenant sur facebook.com/manu dans le 69. Devenez fan et répondez aux questions de Manu dans le 69 sur Énergie. Et vendredi, si vous avez les bonnes réponses, vous gagnerez vos vacances en tout inclus avec Look Voyage. Oh, mais je remercie beaucoup. Énergie, eat music only. Pénètre vite dans la maison du plaisir, de tous les plaisirs, en appelant le 3271. Le 3271 est un espace anonyme totalement dédié à l'amour, sans tabou ni censure. Rejoins-nous vite en appelant le 3271 et fais l'amour au téléphone avec une vraie femme. Ou écoute sans parler nos confessions érotiques. Au 3271, tu peux assouvir tous tes fantasmes et même plus. Goûte au plaisir du 3271. 3271, Agir Média, nous 35 par appel, plus 34 centimes par minute. 3663, le premier numéro court réservé aux mecs. Que tu sois gay, bi ou hétéro-curieux, sur le 3663, retrouve les meilleurs plans mecs près de chez toi. Oublie les autres numéros. Prends ton fixe ou portable et appelle le 3663. Le 3663. Énergie. J'écoute même ce potable, c'est ma radio. Énergie, 100.3. Madame Soledad Lafranchi, directrice de Nissan Bayard. Le Note ou la Note? Eh bien maintenant, c'est le nouveau Nissan Note. Un pur concentré d'innovation pour une conduite plus sûre et qui peut être utilisée par nous tous. Il a tout, c'est exceptionnel. C'est le top dans sa catégorie et c'est Madame Lafranchi qui vous le dit. Chez nous, vous venez, vous l'essayez et vous partez avec le nouveau Nissan Note, le. Nissan Bayard, groupe Lafranchi, Paris 13e, Vincennes et sur nissan-paris.com. Bon, Essayons de reconstituer les faits. Lieutenant, allongez-vous par terre comme les victimes. Mais patron... Bon, écoutez, c'est pas le moment de faire des manières. Vous êtes sur un parquet pré-mibel. Le top du top. Alors là, ça change tout. Alors exécution. Oui, bah ok. Et en ce moment, chez Prémibel, déstockage exceptionnel de parquets chaîne massif à vernis roi huilé en 21 mm d'épaisseur à partir de 14,99€ hors taxe le mètre carré. Prémibel, des parquets de haute qualité à prix plancher. Faites le plein de vitamines chez Primeur Entrepôt. Profitez des prix pressés sur les fruits gorgés de soleil, sucrés et juteux pour avoir la pêche. Les fruits d'été sont à l'honneur chez Primeur Entrepôt. Par exemple, les 3 melons charentais 700 grammes environ, origine Espagne, les 3 melons à 2€. Primeur Entrepôt, 3 magasins à Limeil-Brévannes, à Champigny-sur-Marne et à Gretz-Armainvilliers. Les boutiques glamour qui invitent au plaisir. Welcome Love. Huile gourmande, lingerie sexy, jouets coquins. Vous voulez pimenter votre enterrement de vie de jeune fille ou votre soirée à deux? Toutes vos envies sont chez Welcome Love, la boutique de l'amour, 127 boulevard Voltaire, Paris 11e, métro Voltaire. Et sur welcome-love.com. Mesdames, dites stop aux tâches ménagères. Mettez du soleil dans votre vie, dans votre couple et dans votre maison pour seulement 23€ par semaine après la réduction d'impôts. Faites appel à untempspourvous.fr. Untempspourvous.fr 0810 303 808, prix d'un appel local. Untempspourvous.fr, des services qui donnent le temps de vivre. Incontournable en ce moment chez Mobeco, le canapé convertible 3 places, couchage 140 sur 190 pour usage quotidien, facile à ouvrir avec un grand choix de tissus, est à 960€ et en cuir à 1390€ seulement. Livraison gratuite partout en France. Mobeco, 3 adresses à Paris, 13e, 16e et 19e arrondissement et à Herblay dans le 95. Mobeco.com. Mobeco, 01 42 08 71 00, 7 jours sur 7. On aurait pu vous dire que yacaroulet.com est le premier centre auto en ligne et qu'il propose les meilleurs prix sur vos pièces et accessoires auto. On aurait pu aussi vous dire que vous pouvez bénéficier du choix sur place, de 400 000 références avec les plus grandes marques. On aurait pu enfin vous dire que yacaroulet.com, c'est la possibilité de commander et de vous faire livrer chez vous ou bien de venir dans un de nos 1000 garages partenaires et d'y faire poser vos pièces. Mais le plus simple, c'est que vous vous rendiez sur le site yacaroulet.com, comme ça vous comprendrez. Yacaroulet.com, votre voiture va adorer. Ce soir, à 3h-2h. On appelle le gagnant, là. Ouais. De la Samsung Galaxy Tab 3. On appelle Nadir. Nadir, le bienheureux. Ouais. Normal. Ah, il est content, il faisait la fête. Nadir, avant qu'on l'a... sa mère, la pute. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, à l'antenne sur Énergie avec Wizou. On se le fait dans une minute, les One Direction aussi, You and I. On les écoutera sur Énergie tout à l'heure. Et la gagnante de la soirée, Florie, là, qui a été la première à envoyer 1680. Tu m'entends, Florie? Oui, alors? Ça va, Florie, toujours? Ouais, super, en bas, c'est la bonne fois que je joue, mais je crois pas. Eh ben, je suis content pour toi, Florie. T'as réveillé du monde, du coup, chez toi ou pas, là? Oui, ouais, du coup, ouais, enfin, ouais. Ah, merde. Et en tout cas, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 10 juin. Bon anniversaire. Ouais, ça y est, là, ouais, on est le 10 juin, bah voilà. Big up, bon anniversaire. Minuit 29 et 30 secondes, les Gémeaux, du coup. Ouais, bon anniversaire. Voilà, t'es né quand? C'est quand ton anniversaire, Florie, à Toulon, là? 10 octobre 2001, d'accord, ah. Ok. Et donc t'as 13 ans, hein? 13 ans, ouais. Pas encore. T'as encore, et 12 ans. Et ben en tout cas, vas-y, hein, tu connais depuis quand l'émission, t'as Flori? Oula, longtemps, 2 ans. Attends, pardon, excuse-moi. Tu l'as vu, j'ai mis son art. Ah, j'ai pas vu. C'était à côté, on aurait dit que ça a claqué. Non, mais attends. Il y a un fantôme à la radio. Mais attends, je crois que. Vous l'avez vu? Non. Non, mais attends. Un éclair? Attends, Amina du standard, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est quoi? Non mais attends, il a tapé, mais à 100 mètres. Avant, je t'ai demandé où ça éclatait. Même pas, il a tapé là. Il a tapé là, juste derrière toi, je sais. Comme par hasard, vers chez moi. Il a tapé juste derrière. Attends, mais on est plusieurs fois, non? Oui. On veut m'éliminer. Attends, mais regarde, attends, il y a le feu. Non? Il y a le feu. Non. Ouais, je te jure, on dirait qu'il y a une lumière. Attends, regarde par la fenêtre, GSGR. Arrête. Il y a l'éclair qui est tombé, mais juste peur, derrière GSGR. Non, c'est la lumière du studio. Non, je te dis, regarde. Vas-y, enlève le casque. Putain, excusez-moi, on a la tempête. Hein. Ouais, c'est juste que. Ouais, on n'est pas en train de faire ça. Si le bâtiment brûle. Bah, si le bâtiment brûle, on va prévenir les pompiers, quoi. Ouais. Y'a rien. Attends, je vais. T'es sûr? Eh, tu m'as fait flipper, gueule. Non, mais c'était abusé, là. Ah, mais c'est les lumières de la rue, je pense. Attends, mais non. Chut, deux secondes. Il pleut plus là. Il pleut plus. Vous savez quoi? Je vais laisser ouvert. C'est pas bon, c'est la faute. La fenêtre derrière. Je crois que c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Non, je crois que c'est pas bon, Guillaume. Si. Non. Non. Si la faudrait le tape dedans. On prend des risques après. Ouais. Hein. Pourquoi ça fait ricocher là, ouais. Mais pourquoi tu veux qu'il y ait dedans? Parce qu'on est le plus grand bâtiment du 16e arrondissement de Paris. Mais parce qu'il y a de la lumière chez nous aussi. Depuis tout à l'heure. Non, la lumière, ça veut rien dire. Si, ça agresse. Je vois pas du tout pourquoi la faute tomberait sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a l'antenne la plus haute de Paris. Parce qu'on a pas de chance. Non, c'est vrai, t'imagines le buzz. Le buzz. T'imagines en direct, on se fait foudroyer. Et Julien Stagiaire qui arrive dans son cul, la foudre. Bah demain, on est plus là. Juste dans son fauteuil et passe dans l'électricité. Et ça lui remonte dans le cul. T'as le buzz en direct, quoi. Super ton buzz. J'espère que vous. Alex qui filme le studio des, non, dans une autre pièce, Alexandre qui est derrière les manettes et qui nous filme. J'espère que tu filmes bien, Alexandre, puisque ça le porte à la poisse. C'est possible que j'ai stagiaire, ça fasse croyer. Ouais, je m'en vais. Enfin, on rigole, mais on rigolerait moins. Hein. Ça, je mets sous la table. Hein, prends une photo avec les éclairs qu'on voit ça. Ouais, bah en fait, le truc, je peux pas attendre en même temps 2 heures que ça tombe là. Ah, ouais, flash sur flash là. Ah putain, encore. Non, mais attends, et juste derrière. Ah, je vois pas, merde. Ah ouais, vous entendez? Oh putain, c'est énorme. Ah, je sais pas, ça s'entend peut-être pas la radio. Fermé. Ah, je crois pas. Là. Bon, écoutez, vous inquiétez pas. Je suis pas serein là. Ça. Bon courage, hein, si vous êtes dans les orages aussi, là, nous on y est sévère là. Ah bah oui. En tout cas, il y a le jeu des hôtels dans 10 secondes. Flori, on t'offre le cadeau avec plaisir, on te l'envoie demain matin, d'accord, Flori là. Bravo, Flori. Merci beaucoup. Eh ben, de rien, il y a des potes qui vont te reconnaître peut-être demain là. Tu me diras, oui, je pense, ouais. Tu me diras si t'as reçu des SMS. Tu veux faire une dédicace, Flori, avant de partir? Bah, dédicace à toute la 5e, Colosse Mission, ceux qui me reconnaissent, gros bisous. Eh bah, dédicace alors, pas de problème. Bisous, dédicace bravo, à ouais. Tout le monde, gros bisous, Florie. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil, hein, depuis. Merci. Tu m'as dit que ça fait combien de temps que tu écoutais l'émission? 2 ans, moi. 2 ans, et t'étais jamais passé à l'antenne, quoi? Bah, non, en fait, j'avais envoyé plein de messages. Oh là là. Il me semble qu'elle est passée pour les bêtises faites aux primaires et. Voilà. D'accord, les bêtises. Ah ouais. Ouais, bah, si je me rappelle. Et bah, dépucetage à ton tour alors, dépucetage okay. Radiophonique là. Bisous en tout cas. Attends, reste avec nous, tu sais quoi? Et bravo. On va en d'accord. Offrir un autre. Tous ceux qui ont envoyé Guillaume en espace et 1680 avec votre numéro de téléphone au 612, allez comme ça. Ouais. On prend le logiciel. J'aime du standard, vas-y. Ouais, Guillaume, c'est bon. Ouais. Voilà, stop, attention, envoyez plus. On appuie sur F5. Ma carrière est incroyable. On appuie sur le bouton. Il est minuit 33. Juste après. Attention, on n'attend pas de faire le jeu des hôtels. On va le faire dans 2 minutes. Ouais. Avec Martin qui s'inscrit. Mais juste avant le jeu des hôtels, on se fait le jeu du tueur avant. Ouais, ouais. On se le fait direct. Allô? Allô? Allô, le deuxième, c'est pour qui le deuxième? C'est la fête foraine ici. C'est qui le papa? Ça va ou quoi? Allez, mec. C'est qui le papa? Ça, comment tu t'appelles? Bienvenue en tout cas. Merci Guillaume, je m'appelle Jean-Claude. Eh ben vas-y, bienvenue Jean-Claude. De où Jean-Claude? Salut Jean-Claude. De Lyon. Eh ben JC de Lyon là. Eh ben bienvenue JC, tu fais quoi dans la vie JC? Je suis taxi, je vous écoute tous les soirs. D'accord, bah merci. salut les taxis. Taxi lyonnais. Taxi radio. Eh ben salut à tous les taxis ouais, radio. Salut. Alors. Ouais. Taxi radio 2.0. on a tous le même, tous le même blaze. Ah, c'est fou de vous écouter. J'y croyais jamais. Et... Ah bah tu vois que ça marche, hein, tu vois. Ah c'est vrai que ça marche. Ouais. Voilà, il est surpris là. Ouais, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Ah, c'est vrai, c'est gentil. Attends, t'as découvert quand l'émission JC aussi? Il y a un an et demi à peu près. Depuis que je suis dans le taxi. Ah bah c'est sympa. Merci. T'as quel âge toi, Jean-Claude? J'ai 23 ans. 23 boules. Eh ben vas-y, c'est gentil. Eh ben vas-y, on t'envoie le Nokia à la maison, d'accord, ouais, JC. Ça marche, merci. Vas-y, avec plaisir. Tu veux faire une petite dédicace quand même? Attends, et c'est le dépucelage, ouais. C'est le dépucelage et tout ça là? C'est le dépucelage. Attends, ouais. Attends, on n'est pas pressé là. On va fêter ça comme il se doit. Attends, on va faire connaissance un peu là. Évidemment, célibataire Jean-Claude ou en couple? Fiancé, je me marie dans un mois et demi. Ah bah tu vois qu'il y a des trucs à raconter là. Félicitations, tu te maries où? Au mois de juillet. Au Liban. T'es libanais? Je suis libanais, ouais. D'accord, allez, bah, bienvenue. Salut, ouais. Dédicace les libanais. Ouais, salut. Big up. Attends, tu sais quoi, j'ai un ami, j'écoute la radio avec lui la nuit. Et le truc bizarre, en fait, c'est que moi, mon nom de famille, c'est Turquie, comme le pays. Et mon ami aussi, il a un nom de famille bizarre, c'est Chirac. C'est vrai? Ah, c'est rigolo, quoi. Énorme. Patrick Chirac. C'est libanais. Comme dans le. Comment il s'appelle? C'est pas son prénom, Chirac. Patrick. Il s'appelle Florian Chirac, il vous écoute tous les soirs. Je passe une dédicace. Chirac, c'est libanais. T'as un nom de président de la République, la classe, quoi. C'est stylé. Florian Chirac. Attends, et c'est là. Et une petite anecdote qui t'est arrivée en taxi un peu rigolo, une histoire un peu de fou. Une cliente? Tous les soirs, j'ai des anecdotes, moi. C'est un truc de fou. C'est vrai, à ce moment-là? Ah, l'anecdote la plus folle, c'est la dernière fois j'ai pris un client d'une soirée qui s'était mal passée. Ouais. Il est monté avec moi et il avait un peu des manières efféminées. Ouais. Et il me disait ce soir ça s'est mal passé, j'attendais autre chose de la soirée. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous on est un peu les psychologues des clients la nuit. Hein. Ouais, tu parles un peu avec eux. Ouais, et du coup il me dit bah ce soir clairement j'avais envie de me faire pomper et il n'y a personne qui m'a pompé. Est-ce que je vais me faire pomper ce soir? Je lui ai dit ah non, ce sera pas ce soir. Il a essayé. Ah, bien vu. Ouais. Et c'est rigolo. Il t'arrive souvent des petites anecdotes comme ça, là. Ah, trois fois, charmé. Je me suis pas allumé par des mecs, mais jamais par des meufs. Hein. Ah, merde, c'est vrai, jamais. Attends, juste une petite pause. Dernière pensée pour vous avant de décoller à l'aéroport pour Tokyo. Le salut de Fred, Stewart, Air France. On vous écoute tous à l'aéroport dans la petite salle derrière. Vous déchirez les gars, c'est sympa. Salut mon con. Big up, à l'aéroport, big up, Harry. Big up. Merci beaucoup. Et bah, salut, bon vol pour Tokyo, alors les Stewart. Bravo, France, bon vol. Aéroport. Avec le toboggan, là. Ah, je sais pas. T'avais envoyé 1650, mon con. Ah, dommage. Il avait joué, mais il avait oublié de mettre son numéro de téléphone. Dommage, Fred. Salut à tous les stewards de Air France. Alors, dans deux minutes, les One Direction, comme promis. Allez, on se les fait juste après. Jason Derulo qui arrive. Ah non, elle avait une autre anecdote avant de partir ou pas là? Bah non, y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il faudrait te raconter d'autre? Tu sais plus ce qui t'est arrivé. Et tu t'es jamais fait chauffer par une meuf? Non, jamais par une meuf. Par des travelots, par des PD, mais jamais par les meufs. Par des, t'as quand même aimé les garçons. Bon, bah, tu ouais. Écoute. Je les laisse pour Julien Stagiaire. Ah, ouais. Je les laisse, hein, c'est gentil. Non, c'est salut les gars. Ah, mais, et... vous êtes au top. Et moi, je voulais vraiment vous dire un truc. C'est qu'il y a un truc qui me fait vraiment trop rire. C'est le rire de JM du Standard. Ah, bah merci mec, merci beaucoup. Ah, il est magique ton rire. Ah, merci. Ah, non, c'est pas celui-là. Ah, il rigole pas, il queen. Ah, ouais. C'est ça le métier, queen. Bon, en tout cas, c'est sympa. J'y sais, tu raccroches pas et puis on va t'envoyer le cadeau aussi. Je repasse Amina au Standard. Ouais. À prendre les coordonnées de Florie, les coordonnées de JC. Puis on vous envoie tous ça tous les deux, d'accord? Ouais. À la poste demain. Félicitations, une bise. Salut Taxi Radio. Salut Florie, bisous. Ciao. À tout le monde, salut à tout le monde. Là-bas. Profitez bien, gros bisous. On se fait dans deux secondes le jeu des hôtels avec Martin qui écrit de Rebec. Salut Martin de Rebec. Tu m'entends, Martin de Rebec? Ouais, vous allez bien? Allô. Salut mec. Ouais, vous allez bien? Ça ou quoi, Martin? Bienvenue, Martin, qui est déjà passé beaucoup de fois il y a longtemps. Martin la rockstar, c'est ça? C'est bien ça. Comment ça va, Martin la rockstar, 20 ans là? Ça va bien, et vous? Eh ben ça va très bien. Attends, qu'est-ce qui se passe, James Zonard? Je l'ai vu très près, celui-là. Il faut fermer la fenêtre. Dans la fente, il va arriver. Dans la fente. Non, mais attends, non, mais... non. Il est rentré. Quand JM du Standard commence à sentir un éclair dans la fente. Ah, il était pas au chocolat. J'ai essayé de dire, t'as déjà senti un éclair dans la fente? Non, pas du tout. Non. T'as pas senti? Jamais. Tous les week-ends? Non, on n'entend même pas, ça sent pas, et ça sent la pluie. Hein. Non, mais vous avez. Ah, super. Vous avez l'impression que c'est prêt, mais en fait, c'est pas prêt parce qu'on entend même pas le. Ah, si, un peu là. On sent. Ah, si, un petit peu. Mais ça sent la foudre. Quand c'est très près. Ça sent le feu. Quand c'est très près, ça claque vraiment d'un coup sec. Tu peux pas lever ton portable? Ouais, il est dans l'eau. Il nage. Oh là là, ça. Mais non. Sur la tour Eiffel. Il est beau. Yeah, ça commence. Là, il était près de nous. Bah, ouais, sur la tour Eiffel, ouais. Peut-être qu'il écoute l'émission. C'est juste à côté là. Il nous écoute. Ouais. Il veut réagir au sujet. Mais ils tombent où dans Paris, ces éclairs là? C'est une bonne question. Attends, sur le cul du stagiaire. Sur les cul-cul là. Et en tout cas, attends, bouge pas, Martin, tu te prépares? T'as pris le marqueur, Martin? Ah, j'ai tout, ouais. Il faut un gros marqueur, j'ai un stagiaire, t'en as pris un. Un beau marqueur, vas-y, moi. Alors montre-lui juste pour au cas où. Je vais essayer de faire le bien, principe, si vous découvrez l'émission, c'est comme la semaine dernière, on avait fait l'un d'entre vous qui met un marqueur dans la bouche, là, comme s'il mordait un os. Et il doit faire une réservation, sauf qu'il a des mots imposés. Alors, notamment les mots, je vais vous les dire avant, mais par exemple, la semaine dernière, ça donnait ça. Oui, monsieur, j'ai ouvert un essai, je sais que c'est possible. Il n'y arrivait pas du tout. Et alors, il faut dire par exemple cholestérol. Tiens, j'ai essayé de dire cholestérol. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué, par exemple, si tu veux dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Alors, Martin, est-ce que tu as reçu la petite liste de mots là? Ouais, j'ai tout. Alors, la liste de mots, joyeux anniversaire, Égypte, chaussettes, par exemple. Chaussettes. Voilà. Par exemple, t'as les chaussettes sales. Les chaussettes sales. Voilà. On va se le faire dans deux minutes. Le sucre en poudre. Et sucre en poudre. Voilà, c'est très compliqué. Par exemple, pour le matin, tu dis je voudrais manger des fraises avec du sucre en poudre. J'aimerais manger des fraises avec du sucre en poudre. En fait, c'est un jeu parce que je suis allé chez l'orthophoniste pour voir si ma mâchoire était bien droite et m'a fait articuler comme ça. Et je me suis dit que j'allais en faire un jeu à la radio, quoi. Alors, sucre en poudre, sachet de thé, cholestérol, quiz, chenille, cap ou pas cap et couscous. Voilà, on va faire tout ça dans deux minutes. Jason Derulo, wiggle, qui arrive et on se fait direct Tiesto, le nouveau. Tu bouges pas, Martin, c'est à toi juste après, d'accord? Wiggle. Chauffe-toi. Juste après, on se fait wiggle, les éclairs qui tombent des deux côtés du studio. Chaud. Et dans deux minutes, sur Énergie, on se fait le jeu du tueur. Ouais. C'est l'un d'entre vous qu'on va retrouver. Ouais, Quentin, ouais. Voilà, Quentin, juste avant de se faire le jeu des hôtels, on se fait Quentin, on va faire peur à sa mère. Il s'est mis juste devant. Il s'est mis juste devant chez lui, il a fait croire qu'il sortait soir. Il va taper sur la porte d'entrée. Moi, je prends un déformateur. De voix, je vais faire peur à sa maman. Juste après, Tiesto Wasted sur Énergie. Bienvenue. Et sur le Facebook de l'émission toute la soirée. Allez voir toutes les photos et tout ça. C'est sur Facebook, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On est 1 232 200. Merci. Merci beaucoup. Et on est en top tweet monde, effectivement. C'est gentil. Avec le hashtag remplace un mot, rajoute un mot dans un titre de film par kebab. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Guillaume Radio 2.0 de 23h à 2h sur Énergie. Là. Foudre sur le toit et on nous entend plus, on nous entend que sur Paris. Ah merde. Il y a en fait on entend plus le la parabole cet été, on a plus de téléphone. Oh non. Il y a plus rien, voilà, il y a plus rien. Donc on va appeler c'est Moyen Âge là. Si vous entendez, écoutez derrière. Bah c'est voilà, le déluge là forcément. Ah non mais c'est attends mais pour vous dire. On a il y a quoi, j'ai une sonde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une sonde. Ouais, en fait, on capte plus, le satellite ne marche plus. Oh non. Sur toute la France, il y a un blanc. Il n'y a pas de disque de secours. Il y a quoi? Il y a rien. Faut y aller là. Faut y aller. Oh merde. Et... le satellite, c'est normal, on pourrait rien faire. Ah bah voilà. Et bah merci ça beaucoup. Veut dire quoi? Donc on n'aimait plus. Il y a que sur Paris. Hein. Vous nous entendez? Oh là là, putain. Et hey. Ah, derrière, c'est. Ah, mais je vous disais bien que. C'est le tonnerre. C'est pas du ressort du technicien en plus, on me dit. Salut à toi. Salut à toi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait quoi alors? Parce que là, du coup. Oh la galère. Bon bah alors, je suis désolé vous tous. Putain, en plus. Une bien belle émission là. Il doit y avoir un coup de tonnerre, ma radio ne marche plus là. La radio a sauté, elle marche plus du tout chez moi. Ouais. Sérieux? C'est le black dans le sud sur la radio Énergie, il y a plus un blanc. Rien du tout là. À Bordeaux, plus de radio, ça marche mais pas. Non. Ouais, je sais. Sur toute la France. Alors attendez. Voilà, je vais monter. Non, mais on n'entend que sur Paris. On n'entend que sur Paris, ouais. Voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur Paris, s'il vous plaît? Guillaume, at Energy. Guillaume, et votre message est aussi 112. Ça marche sur Paris. Voilà. On n'entend plus du tout sur le satellite. On n'en voit plus du tout sur le réseau satellitaire. Sur le réseau satellitaire. Voilà, il n'y a plus que la Tour Eiffel. Putain. Voilà, on n'a plus qu'un émetteur sur 550. Ah, on a tout perdu. Voilà. Alors, s'il peut faire vite, parce qu'on n'a plus rien. On est en galère. Du coup, le jeu du tueur, on va attendre 2 minutes. Bah oui. Putain, c'est. Est-ce de la pluie? Alors. Deux questions par SMS. Oh putain. Mais d'heure c'est le bordel. Est-ce que sur energie.fr ça marche? Putain, Guillaume, plus personne t'entend. JM du standard sur le Facebook et le Facebook. Ouais. Ouais. Juste derrière la foudre, elle a tapé et nous a fait sauter la parabole. Est-ce que tu peux me marquer sur Facebook, s'il te plaît, qu'on a pris la foudre? Non, il y a pas, on nous entend, c'est on nous entend plus. Il y a qu'à Paris. Il y a une croix là, ça ne marche plus, le satellite ne marche plus. C'est bloqué. Donc. Oh là là, mais eh. Mais ça fait peur un peu, non? Eh, c'est. Non, bah c'est pas. Grave. Dans un film, là, c'est tout s'arrête. Dis donc, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Nous sommes devenus une radio 100% Paris ce soir. Ouais. Sur le 100.3, c'est la seule fréquence qui marche. La capitale. En fait, on a un faisceau laser en fait sur la tour Eiffel. Est-ce que vous nous entendez d'ailleurs? On a pris la foudre. La radio putain, marche chaud. Plus que sur Paris. Énergie et coupé, voilà, truc de fou. Énergie et coupé et eux, hein, c'est la ça, crise, hein. Ouais. Ouais, c'est une radio. Sur Twitter, putain, oui. C'est un truc de fou, quoi. Oui. Est-ce que vous nous entendez ou pas? Putain, c'est dingue. En Lorraine, je ne vous reçois plus. Veuillez dire aux éclairs de merde d'arrêter de tomber sur notre antenne préférée. Ils sont casse-couilles, les éclairs. Heureusement que j'habite sur Paris. Ah, voilà, donc voilà. Même plus de disques de secours. Ah, ouais, non, il n'y a plus rien du tout, quoi. On est tous à Paris, au pire. Énergie is dead à Dieppe, en effet. Énergie Dieppe. Oh, salut, Lilian d'Énergie Dieppe. Salut, qui mec. Qui écrit sur Twitter. Là. Salut. Retrouvez Guillaume et Guillaume Radio sur le net. Energie.fr. Ah, oui, alors. Ça marche, ouais. Je vais marquer connectez-vous sur le net. Est-ce que ça marche, JM Nusson? Je vais essayer. Ouais, je sais pas, j'ai pas le. Essaye, ouais. Ouais, je regarde. Connectez-vous sur le net. Putain, viens de prendre la foudre. C'est un événement qui arrive une fois tous les 100 ans. Ouais. Ça tombe sur nous. Oh là là. Ou les applis. Attends. Mobile. Alors, je sais pas si ça marche. Dites-moi hein, si vous voulez bien. Voilà, connectez-vous sur le net. Ouais. Putain, c'est exceptionnel ce qui se passe, ça n'arrive jamais. Attends, quoi. Est-ce que ça marche sur le net? C'est-à-dire que. Ah, ça y est, c'est reparti! Ah, c'était rapide, hein! Est-ce que vous nous. Voilà, ça y est, c'est reparti! Ah. Ça y est, c'est reparti! Ah! La bonne nouvelle! Ah. On s'excuse, le satellite a sauté, voilà, nous sommes en niveau 3 d'alerte. Et je sais pas si vous entendez, ça marche juste à dire. Ouais, ça marche sur le net aussi. Ah putain, on a eu peur. Ah bah je croyais que. Mais moi dans le 6-2, ça marche, on y arrive encore sur la web radio là. Salut. Moi je capte parfaitement, je suis en Alsace, j'ai l'application Énergie avec l'appli. Ouais, ouais. Mais avec la FM, normalement vous entendez plus là. Moi je t'entends, moi je vous entends, je suis sur Lyon. Ah bah ça y est, on est de retour. Ouais. On est rassuré. Ah putain, on a flippé, on s'est pris la foudre. Si on est arrivé. Bah du coup, on se fait Black M. Juste le temps de bien redémarrer toutes les applications. Ouais. Pour que tout le monde puisse écouter, parce que je vois qu'il y en a qui recaptent pas. Le temps de laisser redémarrer à tout le monde. La radio a sauté. Effectivement, elle a sauté si vous venez d'arriver. C'est chaud. C'est assez rare, voilà. Événement exceptionnel, à temps exceptionnel. Ouais, ouais. Martin, la rockstar de Belgique, tu m'entends, Martin? Son pseudo, la rockstar. Eh, tu nous fais jouer des hôtels juste après avec le jeu du tueur, d'accord, Martin? Échauffe-toi, mec. Ouais, on s'excuse, hein, c'est pas nous, c'est l'orage. Dans 10 secondes, on se retrouve. Non, Guillaume, radio de. Aussi. De quoi? En Belgique, ça pète aussi. C'est vrai, là, vous avez des grelons, hein? C'est chiant, ça. Ouais, des grosses Pokéballs. T'as des giboulées aussi. Allez. T'as des giboulées, des grêlons. Black M sur ma route. Ah bah on pourrait dire avec le marqueur GSTGR. Attends, je l'ai pas. Marqueur dans la bouche pour le jeu des hôtels juste après. Tu pourrais dire que t'as des giboulées. Juste après Black M sur Énergie. Des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route. Allez, bonne soirée tout le monde. Orage violent, 41 départements sans vigilance sonore. Orange du Nord aux Pyrénées Atlantiques. Voilà. Bon courage. À l'instant, bonne soirée l'Aquitaine, le Centre, Normandie, l'Île-de-France, le Limousin qui sont en alerte plus. Ouais. Putain, et on... Ça tape dehors. On entend derrière nous. Ouais, là. Ouais. Alors, est-ce que ou non, vous entendez, est-ce que vous entendez la pluie qui tombe dans le studio tellement que ça tape fort. En fait, elle arrive de côté avec des grains. Est-ce que vous entendez? Dites-moi par SMS juste à voir si ça marche ou pas. Attention, on parle plus pendant 5 secondes. Voilà, je sais pas oui, si vous l'entendez, marche, ouais. Mais c'est pour vous dire que pour qu'on l'entende en direct sur Énergie, c'est que c'est ça chaud. Tape, mais d'une violence, nous, derrière nous, c'est un truc grave. De faux. Putain, mais c'est même l'orage, on l'entend. Ouais. On se fait dans deux minutes, Katy Perry qui a été demandée, la birthday, j'ai vu qu'elle avait été demandée, pas de problème, ce sera celui-là. Direct aussi sur Énergie. Tous les soirs, de 23h à 2h. Et tu nous racontes après comment tu t'es fait arracher le slip à la piscine, d'accord Kevin? Ah non, mais c'est pas ça. Ah non, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et on va retrouver Quentin, vous allez bien? Il est là, ça va Quentin ou quoi là? Salut Quentin. Ça va mon con? En direct de Saint-Grégoire, c'est ça Quentin? Dans le 35. Eh bah sois le bienvenu Quentin, la 16 boules en direct du 35, dédicace à tous les Bretons. Ouais, Rennes, tout ça. Tu ouais. fais quoi dans la vie Quentin toi d'ailleurs? Je suis en CAP pâtissier, je finis ma deuxième année. D'accord, ah, bah vas-y, dédicace tous les, ouais. tous les pâtissiers, alors, toute la pâtisserie ouais. de France. Big up, big up, bisous. Big up. Qui sera le plus grand pâtissier de France? Saint-Grégoire. Eh bah vas-y, non c'est Quentin. C'est Quentin, mais il habite à Saint-Grégoire, c'est pour ça. C'est Quentin de Saint-Grégoire. Ah, ouais. J'ai confondu, pardon. Bah, en tout cas, on y va, Quentin, c'est parti, on fait ton numéro direct, enfin, on fait le numéro de ta mère qui s'appelle Sandrine. On va lui faire un jeu, le jeu du tueur, je vais prendre une grosse voix comme ça à partir de maintenant. Et en fait, je vais parler, je vais essayer de lui faire peur, toi t'es devant ta porte, hein, c'est ça Quentin là. Oui, je suis prêt, je suis dans la maison là. Ah, très bien, très bien. Allez, on fait le numéro. Ton père, il est policier, donc du coup, lui, il est au Oula. Boulot cette nuit, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc ta mère, elle est toute seule. T'es fils unique ou t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, oui. Un petit frère, comment il s'appelle? Nolan. Il est chez avec ta mère ou pas là? Non, il est pas avec ma mère, il est chez un ami aussi. D'accord, okay. Elle est seule là. Ah, ouais. Très bien, très bien. Eh ben vas-y, pas de problème. Comment ça se fait qu'il est chez un ami, ton petit frère? Il me l'a dit, on dit tout. Hein. Il a quel âge? Il a 14 ans. Ah oui, d'accord, ah ouais. je croyais que c'était un adulte. Il a pas 4 ans. Vas-y, là, c'est un adulte. Eh ben, vas-y, en tout cas, on appelle du coup tout de suite ta mère. En gros, elle adore s'occuper des enfants, cuisiner, faire de la Zumba. Elle fait de la Zumba dans une salle de sport, elle est Johnny Hallyday. Ouais. 40 ans, elle est à domicile, 1m64, brune, aux yeux marrons. Et du coup, voilà, t'es dans une maison à Saint-Grégoire. Je vais lui faire peur et je vais prendre des petits bruits de couteau. Voilà, pour la première fois, j'ai pris des bruits, je vais lui dire attention. Voilà, j'ai mis des coups. Ouais, c'est parti, on fait le numéro. T'es prêt, Quentin? T'es devant là? Ouais, je suis complètement prêt. Allez, vas-y, complètement prêt. Vas-y. Et bah, vas-y, on fait le numéro de téléphone maintenant et c'est parti. Je prends ma boule de cristal. Je prends mon couteau et on y va. À minuit 53. Allô? Allô, Sandrine? Oui. Bonsoir, Sandrine, je te dérange pas? Oui. Je suis désolé, j'appelle un petit peu tard, Sandrine, mais j'avais envie de te parler. Tu me reconnais pas, Sandrine? Non, à part votre voix de pervers, non, je vous reconnais pas. Alors, Sandrine, déjà, tu vas baisser d'un ton, sinon ça va commencer à me casser les couilles, tous les deux. Ouais, mais attendez, vous commencez par m'agresser, hein, c'est vous qui m'appelez, hein. Mais Sandrine, je ne vais pas seulement comment t'agresser. Comment vous avez eu mon numéro? Je ne vais pas seulement t'agresser verbalement, Sandrine. Ah ouais? Tu sais qui je suis ou pas? Non, je sais pas. Une jolie petite femme de 40 ans, aide à domicile, 1m64, brune et aux yeux marrons, ne me reconnaît pas quand je l'appelle. Déjà, je suis pas 1m64, mais comment vous savez ça, vous, d'abord? Je sais que tu fais de la Zumba dans une salle de sport, je te regarde souvent. Mais ça va pas, non? Et tu m'excites d'ailleurs, Sandrine. C'est quoi? Vous êtes un vieux cochon ou quoi? Oh, je ne suis pas qu'un vieux cochon. Mais moi aussi, j'écoute du Johnny Hallyday comme toi, Sandrine. Ah, mais non, mais moi, j'aime pas Johnny Hallyday. Hein. Ton mari, il est où? Il est parti bosser ce soir. Mais comment vous savez ça, là, d'abord? Police nationale, Sandrine. Tu sais que, Sandrine, dans une minute, je vais rentrer chez toi. Je suis en train de préparer mes accessoires. Ouais, bien sûr, ouais, mais c'est quoi, vous êtes défoncé, vous, quoi? J'ai frappé à ta porte deux fois maintenant. Mais même pas en rêve, vous frappez chez moi, c'est quoi ce délire, là? Allez, ouvre-moi la porte. Vous dégagez, moi j'appelle les flics, hein. Oh, y a pas de problème, je suis moi-même policier, je connais très bien ton mari, mais il ne sait pas que c'est moi. Bien sûr, mais vous êtes qui? Sandrine, je vais taper trois fois sur ta porte très fort et tu vas m'ouvrir. Mais sérieux, arrêtez, hein. Je tape trois fois maintenant. Eh mais tu rentres, je te défonce, mais tu vas même pas comprendre. Eh ben justement, je te propose d'essayer de m'ouvrir. Et... Attends, tu vas voir. Vas-y, essaie de rentrer chez moi, tu vas voir comment je suis pas cassé ta tête. Et tu vas baisser d'un ton ou je vais te donner des vraies raisons de crier, Sandrine. Non mais vous m'appelez, vous me faites chier chez moi là et vous croyez que je vais me laisser faire. Je crois que t'as pas encore compris, Sandrine, tu passeras pas ce soir, la nuit. Ah bon? Tu sens... Je vais passer la nuit, mais tu restes toi, mon mari va rentrer de toute façon. D'après ce qu'on dit, la dernière chose qu'on fait juste avant de mourir, c'est de chier. T'inquiète pas, j'ai prévu des couches pour toi, Sandrine. Tu viens chez moi, je te démonte. Sandrine, et tu vas... Et d'abord, tu frappes pas ma porte comme ça. Ma parole, je vais raccrocher. Sandrine. Je te promets, je raccroche, j'appelle les flics. Sandrine. J'appelle les flics. Je vais lever ton menton et je vais faire ça dans une minute, Sandrine. C'est quoi ça? De quoi, c'est quoi ça? Putain, mais vas-y, allez, bouge. Tu réponds pas sur ton fixe, Sandrine. Mais vas-y, bouge. Je crois que t'as un appel. Allô, allô. Oui, c'est moi, Sandrine. Eh, hey, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Eh oui, t'as vu, j'ai deux téléphones, Sandrine. Et je peux... Comment tu connais mon numéro? Je suis sur liste rouge, en plus. Je peux même couper ton électricité de maison, si tu veux, et dans une minute, tu seras complètement... Bah vas-y, je ferai des économies, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Oh, t'inquiète pas, t'auras plus rien à payer. T'auras plus de stress avec tes factures, Sandrine. Tu ne connaîtras même pas l'été. Putain, mais vas-y, bouge, tu me fais flipper la tête, toi. Tu ne connaîtras même pas l'été, Sandrine. C'est dommage, quand même, il commençait seulement à faire beau. Ma parole, je suis armée, je sors comment je te défonce ta tête. Je vais taper sur la porte quatre fois très fort maintenant. Vas-y, mais tu fais quoi là? Je vais shooter dans ta porte maintenant. Putain, oh. Vas-y, je sors, je m'en fous, je te jure que c'est moi. Je vais te démonter. Je vois que t'as pas ta langue de la poche, mais t'inquiète pas, je vais me charger d'arranger ça, je vais te la découper. Espèce de petit con, va. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait, Quentin? Pourquoi il y a mon fils? Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi il y a mon fils dehors là? C'est lui? Non, c'est pas lui. Mais t'es qui, toi? C'est moi qui viens de l'envoyer frapper. Quentin, tu fais quoi, là? J'ai été obligé de le mettre dans vas-y, mon... Vas-y, rentre. Non, rentre, tu ne rentres toi, pas. Rentre. Quentin, tu reviens vers moi. Quentin, tu rentres, je vais te dire... J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Mais c'est quoi, là? Mais vous arrêtez de... Mais t'as quoi, toi? Quentin, tu reviens... Mais il y a qu'à 17 ans qu'on réagit comme ça, mais qu'est-ce que tu fais, là? Quentin... Qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi! C'est qui ton pote à la Quentin, con? Quentin, tu reviens! Quentin, tu reviens au bout de la rue! Tu reviens! Tu Quentin, reviens. Tu reviens, je t'appelle la police! Tu reviens au bout de la rue dans la camionnette, Quentin! Viens là, tu vas pas! On a dû revenir dans la camionnette! Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens ici, où tu vas là! Tu rentres, on va appeler la police, sérieux! Quentin, tu reviens dans ma camionnette! Quentin! Pars en courant, Quentin, n'écoute pas ta mère! Vas-y, toi, j'appelle la police, vas-y, je raccroche. Oh, ça ne sert à rien d'appeler la police, Sandrine. Ah, ah, c'est chaud. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, attends, je coupe le... Quentin, merde. Tu m'entends, Quentin? Ouais. Putain, mais attends, mais toi, t'as fait le jeu, genre... Ouais, Là, tu l'as fait en mode cinéma, quoi, mais il va me tuer. Attends, mais physiquement, tu sais, genre, t'avais peur et tout, Quentin? Ouais, bah oui. Oh là, maman, ah, c'est parfait. Police, non, mais c'est parfait. Attends, elle est sûrement en train d'appeler. Attends, j'appelle sur ces deux lignes d'un coup pour les bloquer. Attends, refais-lui peur, Quentin. Refais-lui peur. Dis-lui qu'il y a son mari, il y a ton père dans le coffre de la camionnette ligoté. Vas-y, dis. Allô? Oui. Eh, mais vous arrêtez de marceler là? Quentin. Il est où mon fils? Vous laissez mon fils tranquille, hein? Quentin, dis-lui où il est ton père. Il est dans la camionnette, il a pas sur mon cou, plutôt sous la gorge. Je sais pas quoi faire. Quentin, mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a un couteau sur la gorge, je vais rien faire, une bloque. Mais c'est quoi, c'est la musique de maniaque derrière en plus? Mais c'est que ça, je filme, c'est quoi ce scénario là? C'est pas une blague, maman, c'est pas une blague. Mais t'es où? Je suis dans la camionnette. Dans la camionnette. C'est pas ça tout. Il n'y a pas de camionnette. Je l'ai enfermé au coin de la rue dans la camionnette avec ton mari, Sandrine. Mais ça va pas, maman. Tu crois que tu vas choper mon mari comme ça, mais démonte mon mari. Oh, mais je suis pas tout seul, tu sais. Heureusement qu'il y avait Pedro, mon copain. Mais salut, c'est Pedro. Et heureusement qu'il y avait... Vous laissez mon fils et mon mari tranquille, hein. Heureusement qu'il y avait Nico aussi. Ouais, moi c'est Nico, je suis le copain du copain au copain. C'est qui Nico? C'est qui tout ça? Oh, c'est juste un homme qui avait très envie de toi et ses deux meilleurs amis, pourquoi? Et je veux mon fils, là, mais que vous me faites quoi, vous? Attends, qu'est-ce que t'as envie, Philippe? Attends, je demande à mon autre copain. Mais attends, Nico, Philippe, c'est quoi ça, Nico, Philippe? Ah, bah, je te ferais bien caca dans la gueule aussi, tu sais. Ah putain, en plus, ils sont cacafages, je sais plus comment on dit. Mais c'est quoi le délire, là? Mais vous êtes des timbrés, les mecs, hein. J'espère que vous rigolez bien entre vous, là, parce que franchement, vous me faites flipper, hein. Quentin... Et toi, tu me rends mon fils, sérieux? Tu le fais descendre de je sais pas quoi, d'où tu l'as mis, tu le fais descendre, ferme, tu me rends mon fils. Ferme-la, je te dis, je suis pas pardon, ton ami. Moi, je ferme la ferme, mais même pas un que je la ferme, Sandrine, tu me rends mon fils. Tu fermes ta bouche. Mais sérieux, mais c'est qui le frappe à dingue, là? T'aurais pu te laver les yeux. Vas-y, tu me rends mon fils, tu me rends je sais pas qui tu es, là, dans ta bagnole, tu rends ce qui m'appartient, en tout cas. Quentin... Oui, oui. Dis-lui où on est. Quentin, vas-y, t'es où? À ce qui te sert de mère. Quentin, je suis énergie. Trop, là, arrêtez vos conneries. On est en direct à la radio. Bonsoir. Alors, Sandrine, vous aviez compris à la fin que vous étiez à la radio, Sandrine, ou pas du coup? Pardon? Vous aviez compris que vous étiez à la radio ou pas, Sandrine, à la fin, non? C'est une blague. Oh putain, c'est... Quentin, retentis, c'est Guillaume, on est en direct sur Énergie, ouais. Sandrine, c'est Guillaume Radio 2.0, là, comme tous les soirs de 23h à 2h. Ah, c'était une blague. Attends, attends, Quentin, retourne dans la maison, il y a trop de vent dehors. Ouais, ouais. Il oh, s'est... putain. Eh, hey, t'as bien joué, Quentin, là. Ah, ouais, acteur studio. Ouais, tu m'as... Et quand tu es arrivé en pleurant, tu m'as surpris, quoi. Ah ouais, félicitations, Quentin, en direct de Saint-Grégoire, là, du 35, on est en direct de Bretagne. Ouais, vers Rennes. Et dédicace en mode nocturne, là, du coup, en mode nuit, là, avec, avec Quentin qui est là. Et ben, félicitations, Quentin. Bravo, mec, t'as géré. Et oui, et sa mère qui s'est tapée une flip, elle a quoi? Ah! Et ben, elle a fait plaisir à son fils, voilà. Hein, au canal de Quentin, c'est ça. Et félicitations, en fait. Et, désolé, Sandrine, alors, on vous a empêché de regarder la télé. Vous écoutez Johnny Hallyday, Sandrine, ou pas, alors? Mais non, j'aime pas Johnny Hallyday, moi. Qui vous êtes ça? Bah, c'est lui. Ouais, bah oui. C'est fou, lui. Ça, c'est bon pour les émissions, genre Confessions Intimes. Oh, elle clash. Alors, et Quentin? Pourquoi tu croyais que ta mère, elle écoutait du Johnny, alors? Parce qu'il me connaît pas, mais il est fou, lui. Elle en parle à chaque fois. Elle en parle à chaque fois. Elle assume pas, peut-être. Elle assume pas la radio. C'est bien, Johnny. Mais vous me fait passer pour une quoi, lui? Non, attends. Ah putain, comment vous m'avez cramé, sérieux? Eh bah, hey, félicitations, vous avez, vous avez quel âge, vous, Sandrine? 40 ans? 40 ans, là, le 26. D'accord, ok, bah, bon anniversaire, ouais, en avant. Bon anniversaire, ouais, c'est merci, bientôt, là. C'est pour ça, j'aurais pu, moi aussi, avoir un cadeau, parce que franchement, c'est dégueulasse. Eh bah, non, ça va, maintenant, vous avez moins peur, ça va, c'est redescendu, là. Vous êtes rassuré, ouais, là. Bon. Ah oui. Bon, bah, tranquille, non, mais voilà. Franchement, vous faites flipper, hein, les mecs, hein. Mais non, tout va bien. Vous connaissez l'émission ou pas, Sandrine? C'est horrible. Vous connaissiez l'émission ou pas? Mais oui, mais en plus, des fois, je me tape des délires avec mon mari le soir, je dirais jamais Micron, je la reconnaîtrais tout le temps. Ah merde, ah, eh ben voilà. Et bah, à chaque fois, on se dit que si un jour on se fait appeler, on se fait pas avoir, ouais. Mais finalement, ça marche. Et bah, voilà, allez, voilà. On vous fait des gros bisous, Sandrine, d'accord? Bah, restez vous-même, salut. Eh, merci, merci beaucoup, au revoir. Merci. Attends, bisous, bon. Eh, bonne nuit. Et pareil, hyper jeune, ta mère. Ouais. Elle est sympa. Hein. Non, mais oui. Au niveau de la voix, c'est abusé, quoi. Eh bah, écoute, félicitations, tu veux faire une dédicace, Quentin, quand même? Eh bah, bien sûr, ouais. Dédicace à Eric. Mon frère, mère, mes parents et ma famille. Et bah, pas de problème, dédicace à tout le monde. Vas-y, pas de soucis, attention, Miss France. Attends, elle est où, ma Miss? Bonsoir, je suis l'animateur de Miss France. Bonsoir, la Miss. Oui, bonsoir, l'animateur, bonsoir, tout le monde. Ah, je suis avec ma plus belle des Miss. Oui, merci, c'est gentil. Oh, et je suis tellement content, tu es Miss Poitou-Charentes. Je suis élu au Futuroscope de Poitiers, tout à fait. Allez, mets-toi en slip et on regarde ton cul. D'accord, j'enlève le pantalon. 1, 2, 3. Wow, ouais. Mais quel beau popotin! Merci, monsieur l'animateur! Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire pour te présenter, chère Miss France? Donc moi, je suis Miss Poitou-Charentes. Dans la vie, j'aimerais la paix. Dans le monde entier, je souhaiterais devenir un jour esthéticienne. Et voilà, je fais un petit coucou à mon copain Brian. Et actuellement, tu fais de l'humanitaire. Je fais de l'humanitaire, j'ai intégré l'association... Du pain pour tous depuis 2013. Très bien, et alors tu distribues du pain à qui, du coup? Je distribue du pain aux canards allaitants en face de chez moi. Oh, hey, félicitations en tout cas, Quentin. Là. Tu raccroches pas, on t'envoie un petit cadeau à la maison, d'accord, Quentin? Là. Ouais, ok. Hey, félicitations en tout cas, Quentin. Là. Salut, mec, t'as géré. Bravo, hey, bravo, hein, comment t'as fait l'acteur studio à la fin, là. Super, t'as tout défoncé, ouais, Quentin. Ouais, classe, bravo. Ah, dès que la caméra s'est allumée, Quentin, il s'est... t'as réussi à filmer, Quentin, ou pas, du coup, toi? Ouais, un petit peu, mais c'est nul, hein, c'est pas tabou. Ah bon, on va essayer de récupérer ouais, ça. Ouais, t'inquiète. Quand elle a ouvert la porte, j'ai filmé quand elle a ouvert la porte. Après, ah, et bah vas-y, bah, on verra ouais, ça alors. Ouais. Vas-y, on va voir si c'est ouais. Exploitable, lui. On va regarder avec plaisir. Tu raccroches pas, d'accord, Quentin? Ok. Ok, bonne nuit, mon Quentin, bravo. Salut. Vas-y, et en tout cas. Par contre. De quoi, Quentin? mon portable risque de se décharger. Ah, alors attends, on va faire vite. En deux, ouais, bouge pas, donc en 10 secondes, on te repasse directement à Mina du standard. Tu le reprends, c'est bon, ouais. Ok, allez, vas-y, reprends-le, hop, on le reprend direct. On lui envoie un cadeau à la maison et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir faire le jeu du tueur comme tous les lundis en direct sur Énergie. Vous envoyez Guillaume un espace et tueur avec votre numéro de téléphone au 612. Guillaume, un espace, marqué tueur au 612. Vous avez votre salive aussi au milieu. Voilà, Guillaume un espace et tueur avec votre numéro au 612. On est en direct de 23h à 2h avec tous les lundis, là, on se fait. Miss France et on se fait le jeu du tueur sur Énergie. Ce soir, 23h, 2h. On appelle le gagnant là. Ouais. De la Samsung Galaxy Tab 3. On appelle Nadir. Nadir le bienheureux. Ouais. Normal. Ah, il est content, il fait la fête. Et Nadir a beaucoup la. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Wiggle, wiggle, wiggle. Allez, on se le fait dans 2 minutes, Jason Derulo, Snoop, S-N-O-O-P, on se le fait dans 2 minutes. Il y en a un qui l'a demandé avec Psy aussi, là. Psy et Snoop Dogg, la nouveauté hit qui ils ont sorti tout à l'heure, ouais. Ils ont fait tourner, là. C'est le Guillaume dans le 93, ça marche. Oui, on entend la pluie. Ouais. Ah, on entend plus là, ça y est. Ouais, ça s'est calmé, on dirait. Ah, ça y est, ça s'est calmé. Je vous ai fait écouter tout à l'heure la pluie en direct sur Énergie. Salut Marie de Bussy là. Hello Marie. Il y a un éclair sur 4 qui tombe au sol, le reste c'est des éclairs entre les nuages. Salut Gabi du 95. Ah, je sais pas. Le météorologue de la soirée. Okay. Salut à toi, mon gros. Merci pour tes messages. Salut, ouais. Salut Jérôme Rottier du côté de Château. C'est ok, je déprime sans Énergie. Ça y est, c'est revenu, ouais. Salut. Je me mets au bord de la fenêtre pour me prendre en photo car il y a des flashs, mordeurs. Salut JD10. Ouais. Grande pleine lune et ciel étoilé sur toute la Bretagne. Nous en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Mordin, salut Nico. Salut. Ça a ressauté, on vous entend encore plus en Bretagne. Non. Ah merde. Attends, j'écoute. Ouais, non, pour l'instant, les deux satellites marchent. Après, il se peut que dans certaines villes, il y a un bug où il y a un éclair qui soit tombé sur les pile-poil sur l'émetteur. Ouais. Apparemment, sur Châtellerault, c'est violent. Salut Julien, la feuille de l'entrée. Là. Salut. Énorme la musique de Death Note, j'ai trop peur. Une boule a fait un trou dans une fenêtre. Quelle boule. Salut à toi. Un grelon. On a reçu des photos de grelons qui sont en top commentaire sur Facebook. Ouais, c'est violent. Il en a 3 et 3, 4 dans 3, 4 et 3 dans la main. C'est chaud. Non mais je vais vous les mettre, allez voir. Non mais attends, c'est un truc de fou. C'est abusé. Non mais attendez, allez voir, prenez 30 secondes et allez mater les grêlons qui sont tombés là sur Énergie. Je vous mettrai la vidéo en tout cas tout à l'heure du jeu du tueur, on va la monter. On se fait Katy Perry, on se fait Birthday. Ouais. On avait promis de se le faire, Birthday. Juste après, on se fera la Starac Énergie. Trois d'entre vous qui allez venir chanter et c'est vous qui voterez pour la meilleure. Et les trois chansons de ce soir, c'est. Il y a quoi? Il y a Jason Derulo. Ouais, c'est Zion. Bah, il y aura Wiggle Wiggle Wiggle. On se le fera justement, c'est celui-là, hein. Wiggle Wiggle Wiggle. L'un d'entre vous qui viendra chanter We Are One, ce sera celui-là. Et l'un d'entre vous qui allait venir chanter. Justement les trois prochains morceaux qu'on écoute et on se les chante après. En direct Katy Perry, bonne soirée, j'adore le jeu du tueur, c'est trop bien. Salut. Oh putain, il pète un câble à meuf. C'est quoi ce jeu maintenant? Il est complètement pété, déchiré, c'était énorme. Salut Flo du 37. Les éclairs font aussi peur que la tête de JSAGR. Salut tout le monde. Apparemment il y a un incendie aussi vers chez moi. Oula, bon courage. Ouais, bonne chance. L'orage commence pour moi dans le nord. Salut abusé de les éclairs abusés, ouais. Salut tout le monde. Salut. Tueur, enlève ta merde de Jules, mort de rire. Salut, j'adore le jeu du tueur. À côté Toulouse, tout va bien. Et ben bonne soirée, Katy Perry, Birthday. Et juste après le jeu des hôtels, c'est à toi Martin la rockstar dans 2 minutes de Rebec en Belgique. Prépare ton Robin, c'est à toi après Katy Perry sur Énergie. Ball. I'll let the band your song. We're living. 2 heures. Tu fais quoi dans la vie, David de Paris? En fait, moi, je suis cointeur, en fait. Ça veut dire quoi, cointeur? Bah, c'est moi qui calcule les angles des tables basses et des portes pour que ça s'encastre bien dans ton petit doigt de pied, en fait. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ma carrière est un...